Le locataire de Sir Gaspard, par Marie-Elisabeth Braddon. Tome 2, chapitre 1, une existence brisée. Je sortis sur la petite galerie extérieure et je restai là, exposé à l'air chaud du soir, qui soufflait doucement autour de moi. Je pouvais voir la rangée de cottages et les petits jardins pleins des simples fleurs familières à mon enfance. J'apercevais des lumières brillant çà et là à travers les fenêtres, mais je ne pouvais distinguer l'habitation particulière qui abritait ma divinité, et je me sentais disposé à m'irriter contre moi-même, parce que mon instinct ne me révélait pas laquelle c'était. Je fus tiré de mes folles méditations par le son d'une voix se mêlant aux autres voix qui montaient jusqu'à moi par les fenêtres ouvertes du parloir, qui était au-dessous de moi. Une voix qui fit battre mon cœur plus vite qu'il n'avait battu depuis que Carl et Catherine avaient disparu à mes regards charmés. Et pourtant ce n'était pas la voix de Mademoiselle Catherine. Ce n'était que la voix rude et grave de l'organiste. Ce n'était pas la rose, mais c'était du moins le compagnon de cette merveilleuse fleur. Je descendis, sous le fallacieux prétexte de mettre ma montre d'accord avec l'horloge qui surmontait le comptoir. Je restai là quelques instants à causer avec l'aubergiste. Et celui-ci me fit remarquer que ma chambre devait être bien triste, et me suggéra l'idée d'entrer dans la salle publique où un petit cercle, composé de respectables habitants de Weldridge, avait coutume de se réunir. Il y a M. Marles, le clerc de la paroisse, et M. Scott, l'organiste, qui est un grand liseur, à ce qu'on dit, et que vous rencontrerez rarement sans un livre à la main. Nous avons aussi M. Stethcop, le boulanger, M. Brinkenson, un gentleman indépendant, qui habite le premier cottage de cette rangée d'habitation que vous avez droit devant vous, lorsque vous franchissez le seuil de ma porte. Weldridge serait une résidence un peu triste, vous le comprenez, s'il n'existait pas un petit lien d'amitié et de sociabilité entre ses habitants. Notre petit parloir a réuni souvent des personnages de la plus haute distinction, j'ose le dire. Nous avons M. Catherine, qui habite en ce moment un des petits cottages. Eh bien, vous pourriez faire beaucoup de chemin avant de rencontrer un gentleman qui ait plus que lui des droits à ce titre. Je me sentis rougir quand l'aubergiste prononça ces paroles. Il m'était si agréable de savoir que le père de ma divinité était un gentleman. « Monsieur Catherine est né à Weldridge, je suppose, » dis-je d'un ton interrogateur. Je n'en pensais pas un mot, mais j'étais trop dominé par ma folie pour aller droit au but dans les moindres sujets qui intéressaient Caroline Catherine. « Oh, cher monsieur, non !» s'écria l'aubergiste. « Monsieur Catherine n'appartient pas à l'une de nos familles de Weldridge. » Il dit cela comme si les habitants de Weldridge étaient une espèce choisie d'êtres privilégiés infiniment supérieurs à tous les Catherine, gentlemen ou non-gentlemen, qui aient jamais pu exister. « Non, ce n'est qu'un visiteur venu comme vous à Weldridge, dans l'intérêt de sa santé, et qui a été séduit par les avantages de la position, comme vous avez pu l'être vous-même, » ajouta l'aubergiste en cherchant à se mettre au niveau de ma compréhension, comme si j'eusse été un enfant. « J'entre dans tous ces frivoles détails, Marcia, parce qu'au milieu de mon chagrin, il m'est doux de m'apesantir sur ces pages. Je pense à votre main qui les tiendra. » Je pense à votre souffle qui viendra les effleurer, et puis j'ai tant besoin de me confier à vous. Il n'y a rien dans ma vie que je voudrais vous cacher, et vous savez maintenant ce que c'est qu'une existence brisée. Je vous raconte les aberrations du jeune homme pour que vous puissiez comprendre la folie qui a poussé l'homme à sa perte. « Monsieur Catherine, a-t-il eu une grande famille ?» demandai-je. Mais j'aurais pu faire d'avance la réponse. Est-il probable que le père d'une divinité eut plusieurs enfants ? Les déesses ne naissent pas par couvées. » Mon hôte me répondit aussi froidement que s'il se fût agi de Stethcop, le boulanger, ou de Brinkenson, l'indépendant gentleman. « Il a une fille, » me dit-il, « une grande belle fille en vérité, et j'ai entendu dire qu'il a une autre fille, qui est mariée, et qui est quelque part dans les Indes ou ailleurs avec son mari. Puis un garçon qui vient ici passer les jours de fête et qui est un fief et gamin. » Je fis la grimace aux épithètes de grandes belles filles et de fief et gamins, appliquées par mon hôte à ma divinité et à son frère, mais j'étais trop heureux d'obtenir des renseignements sur l'objet de mes pensées, et je m'efforçais de me montrer très gracieux envers celui qui me les donnait. J'aurais voulu obtenir encore de plus grands éclaircissements sur cet important sujet, mais l'aubergiste amena la conversation sur Wildridge et les nouvelles qui l'occupaient. Aussi lui dis-je que j'allais profiter de son conseil, et j'entrai timidement dans la salle publique pour faire connaissance avec les notabilités du village. Je fus reçu très poliment et avec beaucoup de cordialité. Mais je découvris la différence qui existe entre le respect témoigné à un Pierrepoint à Pierrepoint et l'accueil familier fait à un voyageur inconnu dans un lieu où il est étranger. Stethcop, le boulanger, m'accorda son patronage, et c'est avec une dignité presque royale que Brinkenson, le gentleman indépendant, m'offrit une chaise auprès de lui. La petite réunion était occupée à discuter des événements politiques du jour. Pendant quelques minutes, j'écoutais avec respect l'expression d'opinion qui était aussi étrange pour moi qu'auraient pu l'être les discours des députés de la Montagne ou de la Gironde pour une jeune aristocrate nouvellement débarquée des terres patrimoniales de sa famille. À Pierrepoint, nous sommes tous Tories, depuis mon oncle jusqu'au dernier paysan qui va ramasser du bois mort dans la forêt. Mais les notabilités de Wildridge étaient libérales jusqu'à la moelle des os, et si je n'avais pas eu l'esprit préoccupé, je crois que je serais entré en lice pour la défense des principes de ma famille et que peut-être je me serais fait un mauvais parti. Mais jamais je n'avais été aussi absorbé dans mes pensées, et je restais tranquillement assis à côté de Brinkenson avec toutes les apparences d'un respectueux auditeur, l'esprit uniquement préoccupé de la splendide image de Caroline Caffron, ce qui m'attira la faveur de mes compagnons et me fit considérer par eux comme un jeune homme très bien élevé. Pendant qu'on discutait les mérites du dernier discours de Sir Robert Peel, j'entendis une voix étrange, une voix dont l'accent n'était pas celui des habitants de Wildridge, retentir dans la pièce où était le comptoir, et je fus témoin d'un phénomène social à l'instant même. Le ton criard des notabilités de Wildridge baissa d'une façon sensible, et l'indépendant Brinkenson ne termina pas une période à la manière de Johnson dans laquelle il était engagé. « Monsieur Caffron, » dit Stethcop, le boulanger, d'un air solennel, en imposant silence. La porte s'ouvrit alors un peu bruyamment, et un gentleman entra dans la salle. Son père. Oui, et il lui ressemblait d'une façon étonnante. De nouveau, je fus ébloui par la splendeur de grands yeux noirs, l'éclat de deux rangées de dents blanches, la richesse d'un teint chaud et coloré, l'aisance et la grâce de manière qui m'avaient fasciné dans la jeune fille que j'avais suivie à sa sortie de l'église. C'était de son père que ma divinité tenait ses lèvres rouges et charnues, son nez aquilin, les sourcils bien arqués qui surmontaient ses yeux pleins de feu, jusqu'à la moustache qui couvrait la lèvre supérieure d'Harold Caffron, était l'exagération du léger duvet d'ébène qui ombrageait la lèvre de sa fille. Tout ensorcelé que j'étais, un faible mouvement révulsif traversa mon cœur, quand je vis à quel point cet homme était semblable à cette femme. Sans doute je commençais à comprendre vaguement que la délicatesse féminine était le charme qui manquait à la beauté de Mademoiselle Caffron. Pendant que je me demandais par quels moyens adroits et bien amenés je pourrais m'approcher du père de mon idole, il vint prendre place dans notre petit cercle avec toute l'aisance d'un citadin, au milieu de grossiers paysans, et comme s'il avait été en quelque sorte reconnu seigneur et maître de tous ceux qui se trouvaient là. Pendant que j'espérais que quelqu'un voudrait bien appeler son attention sur ma personne et amener entre nous un échange de civilité, il se tourna vers moi avec une gracieuse familiarité, toute différente de celle de Brinkenson, et qui pourtant marquait encore d'une manière plus sensible la différence qui existait entre un homme dans sa position et un étranger sans nom comme moi. « Votre visage est nouveau pour moi, dit-il. Pas tout à fait cependant, car je vous ai vu de ma fenêtre cet après-midi lorsque ma fille revenait de sa promenade. Vous êtes malade, si j'en juge d'après votre apparence, et si je suis dans le vrai, vous ne pouviez choisir un meilleur endroit pour vous guérir que Wildridge, et de meilleures gens que ceux de Wildridge, pour prendre soin de vous et vous rendre la santé et la force. Je suis moi-même arrivé ici malade, et je pense que je retournerai chez moi aussi fort que Hercule. Dieu sait ce que j'aurais dû dire pour répondre aux civilités qui m'étaient adressées. Tout ce que je sais, c'est que je balbutiai, que je rougis, et que je finis par demander timidement à M. Caffron s'il était sur le point de quitter Wildridge. Il me répondit que non. Ses amis de Wildridge le traitaient si bien qu'il ne se sentait nullement pressé de les quitter. Et si seulement son ami le boucher pouvait se rendre compte de la quantité de veau nécessaire pour approvisionner sa clientèle de riz de veau et du nombre de moutons qu'il faut pour ne pas la laisser manquer de rognons, il, Cathron, n'aurait rien à désirer dans le paradis champêtre que le hasard avait offert à ses yeux ravis. Je lui dis alors que moi aussi, j'avais été amené dans cette agréable résidence par le pur effet du hasard, et m'enhardissant peu à peu, je lui dis qui j'étais, avec le fol espoir qu'en apprenant que j'étais un Pierpoint, il m'ouvrirait ses bras, me presserait sur son cœur, et m'inviterait immédiatement à venir le voir pour qu'il me présentât sa charmante fille. Mais il se contenta d'incliner la tête d'un air approbatif et murmura « Pierpoint, un bon vieux nom du comté d'York, Pierpoint. Il y avait un Pierpoint dans mon régiment, mais il écrivait son nom avec un seul R, et entre nous on le regardait presque comme un homme singulier et ridicule. Mon oncle est Weldon Pierpoint, de Pierpoint, dis-je simplement, et notre nom s'est toujours écrit avec deux R, depuis l'époque de la conquête. Quand Hildred Pierpoint, parfaitement, s'empressa de lire M. Cathron. Il était venu à la suite du duc de Normandie, sans aucun doute. Notre famille se distinguait aussi à la même époque, mais c'était dans le camp opposé. Nous étions alliés à Édouard le Confesseur par Ethelfred, la seconde femme de... Mais je ne vous troublerai pas l'esprit de toutes ces absurdités. Mes enfants savent toutes ces vieilles histoires par cœur, et elle m'a en parlé. Quant à moi, je suis un homme du monde et je sais combien peu le noble sang qui coule dans ses veines sert un homme s'il ne parvient pas à garder un crédit convenable chez son banquier. Ainsi donc, votre oncle est Weldon Pierpoint, le riche seigneur de Pierpoint, dans le comté de York. Je me rappelle l'avoir vu dans les clubs quand j'étais jeune. Un peu original et garçon, si j'ai bonne mémoire. S'est-il jamais marié ? Oui, répondis-je. Il s'est marié à un âge assez avancé. « Et il a de la famille, je suppose ?»« Oui, lui dis-je. Il a trois fils, tous les trois à Eton. Trois fils, mauvaise affaire pour vous, c'est-à-dire si vous êtes son plus proche héritier. » Je lui répondis que j'étais en effet le plus proche héritier, mais que je n'avais pas plus la chance d'hériter du domaine de Pierpoint que de recueillir un héritage dans la lune. Je lui appris qu'il avait été décidé que je me destinerais au barreau, que ma famille m'avait envoyé à Londres pour voir le monde et que je m'étais livré à des études préliminaires, enfermé dans mes chambres du temple. « Mais ce n'est pas le moyen de voir beaucoup le monde, il me semble, » dit M. Cathron en souriant. Je rougis en lui répondant. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il était le père de ma divinité et que causer avec lui était comme une manière indirecte de causer avec elle. Il le regarda plus attentivement après ce petit entretien au sujet de mon oncle, et lorsqu'il partit, il me serra la main et exprima poliment le désir de me revoir, mais il ne m'invita pas à me présenter chez lui. J'aurais donné toutes les lettres d'introduction que j'avais dans mon pupitre pour une ligne qui fut à son adresse. Aussitôt après son départ, je remontai dans ma chambre. Je me mis au lit, fatigué, cédant à un sentiment de langueur, mais non pour chercher le sommeil, et je passai toute la nuit à rêver, tout éveillé, de Caroline Cathron. Le jour suivant était un dimanche, et je me rendis à la petite église du village, où je la vis modestement assise à côté de son père. Tout timide que j'étais, je trouvais cependant assez d'audace pour ménager ma sortie de manière à les rencontrer sous le porche, et mon cœur battait à m'étouffer lorsque nous passâmes de l'ombre solennelle du temple à la vive lumière d'un beau soleil d'été. Ce n'était pas moi, Marcia, qui aimait cette femme pour sa beauté. Je vous le répète encore, ô ma vie, ô mon âme, ce n'était pas moi. C'était un naïf jeune homme, qui n'avait rien de commun avec l'homme que je suis maintenant, mais qui pourtant possédait alors une qualité plus pure et plus élevée que toutes celles que je puis posséder aujourd'hui. Une confiance illimitée dans la sincérité et dans l'honneur de ses semblables, une croyance absolue dans l'innocence et la bonté de la femme. M. Cathron se tourna vers moi d'un air amical à notre sortie de l'église. Il me tendit la main, et un instant après, j'ai été présenté dans toutes les formes et avec toutes les cérémonies d'usage à ma divinité. Elle sourit gracieusement et répondit avec politesse à mes remarques embarrassées sur le temps, sur la belle apparence des récoltes et sur les beautés champêtres de Weldridge. La condescendante bonté qu'elle me témoigna m'inspira la crainte de n'être considéré par elle que comme un simple gamin. Et j'aurais bien donné une demi-douzaine d'années de ma vie pour paraître de quelques années plus vieux. Elle dissimula à peine quelques bâillements le long du chemin que j'avais parcouru la veille au soir en la suivant, et je la vis regarder d'un air distrait les canards qui barbotaient dans les temps, pendant que son père causait avec moi devant la porte de leur habitation. Dieu seul sait combien son indifférence m'était sensible. Je crois que je serais parti presque désespéré si M. Cathron ne m'avait pas engagé à venir les voir dans la soirée, si je n'avais rien de mieux à faire. Si je n'avais rien de mieux à faire, comme si pour moi il pouvait exister au monde un bonheur plus grand que de me trouver en sa présence. Nous sommes des gens tranquilles et assez ennuyés, ma fille et moi, dit Harold Cathron. Mais comme vous êtes étranger et mal portant, vous pourrez trouver plus agréable de venir passer une ennuyeuse soirée avec nous que de vous ennuyer tout seul dans votre chambre. Je le remerciai avec autant d'enthousiasme que s'il m'avait offert un duché, et je rentrai chez moi transporté de joie. Comment passai-je le reste de la journée? Je serais bien embarrassé de le dire. Je ne pus ni dîner ni lire les journaux que l'aubergiste m'apporta. Mes livres n'étaient pas encore arrivés. Je me promenais de long en large dans ma petite chambre, jusqu'à ce que la fatigue me forçât de m'arrêter et je m'assis, l'œil fixé sur ma montre, jusqu'au moment où elle marqua 7 heures. L'aubergiste m'avait dit que M. Cathron dînait habituellement à 5 heures. J'avais décidé que je pouvais décemment me présenter chez lui à 7 heures. Un calme inusité régnait au dehors lorsque je sortis de la petite auberge et que je me dirigeais lentement vers la maison qu'habitait Harold Cathron. Les habitants de Weldridge étaient fort assidus aux offices de l'église et presque toute la population s'était rendue au service du soir. Au milieu du silence qui régnait, je m'arrêtai quelques instants à regarder d'un air distrait les chevaux broutant l'herbe dans la prairie, en proie au timide effroi d'un tout jeune homme sur le point d'approcher de la femme qu'il aime. Puis, faisant appel à tout mon courage, je me dirigeai vers la petite grille qui fermait le cottage de M. Cathron. Un jeune garçon de 14 ans, ayant une belle figure effrontée, était arrêté près de cette grille. Il me dévisagea hardiment pendant que je m'approchais. Il y avait une ressemblance suffisante entre les traits de ma divinité et la figure effrontée de l'enfant pour me faire reconnaître en lui le frère dont j'avais entendu parler. Désireux de me faire bien venir de tous ceux qui portaient son nom, je saluai respectueusement l'enfant en passant devant lui et je n'obtins en retour qu'un regard insolent. Une servante me reçut et me conduisit immédiatement dans un petit parloir où M. Cathron dormait profondément dans une bergère, la tête renversée sur le dossier, et une feuille de son journal reposant sur le bout de son nez. Je ne saurais rendre le désappointement que j'éprouvais quand je regardais autour de moi et combien la chambre me parut vide sans ma divinité. Rien n'indiquait la présence d'une femme. Je n'apercevais ni une broderie, ni un livre ouvert, ni un mouchoir, ni une fleur laissée négligemment dans un coin. Rien ne faisait deviner que Caroline Cathron eût depuis peu quitté cette chambre et qu'elle dût bientôt y revenir. Les journaux de M. Cathron couvraient la table et le plancher. Le cigare à demi-fumé de M. Cathron était posé sur le coin de la cheminée. Quoique le petit jardin fût abondamment garni de fleurs qui embaumaient, pas un bouquet ne venait réjouir les yeux dans cette pièce pauvrement meublée. Cruellement désappointé, cruellement embarrassé, je m'assis en face de M. Cathron et j'attendis son réveil. Le journal glissa sur sa poitrine et j'eus tout le loisir de contempler sa physionomie. Son visage était très beau sans contredit. Comment pouvait-il en être autrement puisqu'il était si semblable au sien? Mais sa beauté n'était pas tout à fait agréable, même à mes yeux inexpérimentés. C'était une belle figure, mais ressemblant trop à un vautour qui aurait cultivé une formidable paire de moustaches et affecté dans sa mise les allures militaires. La courbe de son nez aquilin, ses paupières d'oiseau de proie, le contour tourmenté de sa lèvre mince, n'étaient pas les caractères d'une noble physionomie. Je pense que je savais déjà tout cela. Je crois que j'en avais été déjà frappé dans l'après-midi, quand le charme de la beauté de Caroline Cathron me possédait si complètement que je n'avais conscience de rien, si ce n'est de mon ardent désir de la revoir. Si j'avais présenté mes lettres d'introduction, si j'avais été dans le monde depuis un an, si j'avais vu la société, je n'aurais pas été un malheureux enfant aussi faible que je l'étais entre les mains de Harold Cafron et de sa fille. Mais le jeune garçon que j'avais vu gaminer à la porte du jardin était mon maître dans tout ce que peut apprendre l'expérience de la vie, et il le savait bien. Mon hôte se réveilla en sursaut et me présenta ses excuses de s'être ainsi laissé surprendre par le sommeil. « Ma fille est allée à l'église, » me dit-il. « Prenez un verre de ce sherry. Caroline nous donnera une tasse de thé quand elle rentrera, et en attendant, vous me donnerez bien des détails sur tous les vôtres qui sont dans le Nord. Vous n'avez pas l'idée comme le nom de Pierpoint me ramène à mes jeunes années, au temps où j'ai connu Weldon Pierpoint comme une des célébrités du West End. Ainsi, il a fini par aller vivre en gentilhomme campagnard. Il s'est marié et il a de la famille. Étrange, étrange. » M. Cafron ferma languissamment les paupières et se renversa dans son fauteuil comme s'il se fût absorbé dans les souvenirs du passé. Plongé ainsi dans sa rêverie et faisant de temps en temps un signe d'assentiment, il me laissa parler de ma vie, du foyer domestique et de tous ceux qui m'étaient attachés par les liens du sang. Il me laissa parler, ou plutôt il me sembla en ce moment qu'il me laissait parler. Mais cependant, même alors, j'avais presque conscience qu'il ramenait toujours le nom de Weldon Pierpoint dans la conversation quand je paraissais disposé à m'égarer sur d'autres sujets qui m'étaient plus chers, tels que la douce bonté de ma mère, le profond savoir de mon père, les rêves de mon ambition. Quoi qu'il en soit, je finis par dire à Harold Cafron tout ce qui concernait mon oncle et je lui racontai combien le riche seigneur de Pierpoint était un vieillard souffrant, ayant dans le sang le germe de la consomption qu'il avait transmise à ses trois fils, dont la santé languissante était une perpétuelle source d'inquiétude. « Et votre père, » dit M. Cafron en rouvrant les yeux, « est-il aussi atteint de consomption ?» Il m'était pénible de répondre à une telle question, car elle m'eût percé le cœur comme une épée si j'avais été forcé de répondre par l'affirmative. « Non, » lui dis-je, « mon oncle Weldon et mon père ne sont frères que de père. Mon grand-père s'est marié deux fois. Sa première femme mourut de langueur en lui laissant un fils, et c'est de sa mère que mon oncle a hérité de sa mauvaise santé. « Triste héritage, » murmura mon hôte. Néanmoins, il faut espérer que l'un des trois fils échappera à la maladie qui les mine et vivra assez pour devenir le seigneur de Pierpoint. Si vous étiez un jeune homme capable de sentiments vifs et intéressés, il serait presque malhonnête d'exprimer un semblable espoir devant vous. Mais je suis certain, d'après votre physionomie franche et ouverte, que vous n'êtes pas homme à attendre les souliers d'un mort. Je lui certifiais avec empressement combien peu de plaisir me ferait un héritage qu'il me faudrait recueillir sous la tombe de mes trois cousins. Mais il me fit signe de me taire, comme si la simple discussion d'un pareil sujet était peu digne de nous. Et alors j'entendis un pas léger dans le jardin, puis le frôlement d'une robe, puis enfin la porte s'ouvrit et ma divinité parut. Je dois avouer qu'elle semblait de fort méchante humeur, et que si quelque chose avait pu me sauver des conséquences de ma folie, j'aurais dû être averti par le mauvais caractère qu'elle montra ce soir-là, et bien d'autres fois encore. Mais je pense qu'il est de l'essence même de l'amour d'un adolescent de croître en raison directe des mauvais traitements qu'il endure, et peut-être les airs dédaigneux de Mademoiselle Cafron faisaient-ils partie des charmes qui m'attachaient à elle. Il avait fait une chaleur intolérable dans l'église, nous dit-elle, et la poussière était suffocante sur le chemin qu'il fallait parcourir pour revenir de l'église à la maison. Le sermon avait été stupide, les chants exécrables, et aucun étranger n'était venu rompre la monotonie de cette assemblée peu élégante. Elle nous fit le thé sur la demande de son père, mais elle se livra à cette opération comme si c'eût été le brin de paille ajouté au fardeau qui rendait sa vie intolérable. Pendant que nous prenions le thé, et alors que je me fus aventuré à lui parler en lui laissant voir à chaque mot l'empire absolu qu'elle avait pris sur moi, elle s'adoucit considérablement et poussa la complaisance jusqu'à se montrer de temps en temps tout à fait aimable. Vous serait-il agréable, Marcia, de savoir ce qu'était ma femme au premier jour de notre connaissance? quand j'étais assis dans le petit parloir de la maison meublée, pendant que son père s'absorbait dans la lecture de ses journaux et nous laissait toute liberté de causer ensemble. Qu'était-elle alors dans tout l'éclat de sa splendide beauté? Une mauvaise femme? Non, ce n'était qu'une femme dont l'esprit était faible, l'éducation incomplète, qui n'avait eu sous les yeux aucun bon exemple, qui n'avait reçu aucun enseignement élevé, qui était restée abandonnée à elle-même et qui avait appris à croire qu'elle avait dans sa beauté le sésame ouvre-toi qui permet d'atteindre la plus haute fortune. Elle se montra pleine de condescendance pour moi pendant cette soirée, et je pus voir que mon admiration, qui ne s'exprimait que par des compliments, mais qui se trahissait dans chacune de mes paroles et dans chacun de mes regards, ne lui déplaisait pas. Il y avait un piano dans la chambre et son père lui demanda de nous jouer quelque chose. Elle obéit de l'air le plus indifférent, mais l'exécuta merveilleusement quelques fragments des œuvres religieuses de Mozart, et son insouciance se dissipait comme un nuage à mesure qu'elle s'avançait dans l'exécution de l'œuvre du maître des maîtres. J'étais assis près du piano, enthousiasmé par la sublimité de la musique, autant qu'ensorcelé par la beauté de la musicienne. J'ai appris plus tard que la mère de Caroline avait été une pianiste de profession et qu'elle avait cultivé l'amour de sa fille pour la musique dès sa plus tendre enfance. M. Catherine parla de sa fille absente pendant le cours de la soirée, et j'appris qu'elle était la sœur jumelle de ma divinité et son image vivante. « Ma fille Léonora s'est mariée ridiculement jeune, » dit M. Catherine, « et elle a choisi pour époux un officier d'un âge mûr engagé au service de la Compagnie des Indes. Un mariage convenable sous le rapport de l'argent, je le reconnais, mais qui n'était pas ce que j'aurais désiré pour elle. Néanmoins, ma fille nourrissait une adoration romanesque pour le capitaine Fane, et je dus me soumettre à la force des circonstances. Cette soumission m'a coûté mon enfant, qui depuis 3 ans court à travers les jungles du Bengale à la suite du régiment de son mari. » Caroline haussa légèrement les épaules pendant que son père se livrait à ses lamentations. « Je vous en prie, papa, ne faites pas de sentiments, » dit-elle. « À quoi sert de parler de mariage d'amour quand vous savez très bien qu'ils n'ont pas votre approbation ?»« Je n'approuve pas qu'une jeune et belle femme se jette à la tête d'un vaurien sans le sou, » répondit mon hôte. « Mais ce que je désapprouve surtout, c'est que ce soit un vaurien et non pas qu'il soit sans le sou. Si l'une de mes filles choisissait pour mari un jeune homme honorable et ayant du talent, elle pourrait l'épouser avec mon consentement et ma bénédiction par-dessus le marché, pourvu que ce jeune homme fût un gentleman et le fils d'un gentleman. » Je sentis une vive rougeur me monter au visage, et y restai quelque temps après que ces paroles eurent été prononcées. Et en jetant à la dérobée un regard sur Caroline, je vis que son teint s'était animé aussi, et à l'éclat de ses yeux, à l'expression de sa lèvre inférieure projetée en avant, je jugeai qu'elle était animée par un sentiment de colère. Quelque chose dans les paroles de son père lui avait déplu. Jusque-là, elle était restée assise au piano, en se retournant seulement de temps à autre pour prendre part à la conversation, mais en ce moment, elle ferma l'instrument avec un mouvement brusque et alla s'asseoir dans un coin obscur, derrière la chaise de son père, où elle s'obstina à rester pendant tout le reste de la soirée, sans se laisser arracher de sa retraite par les paroles conciliantes à l'aide desquelles M. Catherine essaya de la calmer. « Beauté et de mauvaise humeur !» s'écria-t-il à la fin. Il appelait sa fille beauté en lui parlant avec le ton qu'emploient d'habitude les gens qui veulent flatter un chien favori. Et quand beauté est de mauvaise humeur, c'est fini. Le soleil se couche à une heure déterminée, et il ne faut rien moins qu'un Josué pour l'arrêter dans sa marche. Phébus n'est pas plus volontaire que beauté, et beauté est plus capricieuse que le soleil. Elle a ses jours radieux et ses jours sombres, et aujourd'hui il y a des nuages. Si vous voulez dîner avec nous demain, monsieur Pierpoint, je vous garantis un jour de soleil et nous aurons un peu d'ancienne musique. Beauté et Jarvoys, son frère, iront à Barset chercher des fraises dans la matinée, et elle nous chantera des mélodies de Moore le soir, pendant que nous mangerons les fraises. Si vous allez du côté de Barset, dont l'église vaut la peine d'être vue, vous pourrez aider Beauté à porter ses paquets. Elle préférerait mourir que de vous demander une faveur ce soir, parce qu'elle boude. Mais venez nous voir demain après le déjeuner, et je gage qu'elle sera enchantée de vous avoir pour l'accompagner, attendu que mon insupportable garçon est toujours en querelle avec elle. L'insupportable garçon que j'avais vu flâner près de la grille était resté dehors une bonne partie de la soirée, et à la fin son père lui avait ordonné ignominieusement d'aller se mettre au lit. Si je dis peu de choses de lui, c'est qu'il tient fort peu de place dans mes pensées. Je sais maintenant que Gervois Cafron avait été honteusement négligé par son père et par sa sœur. Mais à cette époque de folie et d'amour, je n'avais conscience que d'une chose, c'est que Caroline Cafron était la merveille de la création et que je l'aimais. Méprisez-moi si vous voulez, Marcia, mais ne me méprisez pas avec plus de colère que vous ne mépriseriez un enfant, qui pour la première fois voit un brillant papillon et qui se figure que la possession de ce radieux insecte serait pour lui une source de bonheur éternel. Je n'avais que 20 ans quand je tombai amoureux de celle qui devait dans la suite devenir ma femme. Un homme aurait pu être désenchanté par l'insolence d'une femme ayant conscience de sa beauté et qui donnait toute carrière à son humeur capricieuse et à son mauvais caractère. Mais pour un enfant, ces défauts-là ne font qu'augmenter les charmes de la femme qui l'admire. L'incertitude où il est, s'il la verra sourire, rend ses sourires doublement séduisants. Ses dédains, ouvertement exprimés, fascinent la victime qu'il devrait révolter, car ils élèvent sa belle à des hauteurs auxquelles il lui semble qu'il ne pourra atteindre. Quand je pensais à Mademoiselle Cafron ce soir-là, j'y songeais comme à un être que je ne pouvais pas plus espérer obtenir pour femme qu'il ne m'était permis d'espérer que je serais l'époux d'une reine. Je me connais assez maintenant pour savoir que ma passion aurait perdu le plus puissant de ses charmes s'il n'avait pas été tout à fait sans espérance. Lorsque je rentrais chez moi après cette soirée du dimanche, je m'assis devant ma fenêtre ouverte. Je regardais la lune et le paysage qui était devant moi pendant une heure, me complaisant dans mon malheur et pensant combien le petit étang que j'apercevais dans le lointain se trouverait à propos pour m'y noyer, quand Caroline Cafron aurait rejeté avec mépris l'offre de mon cœur et de ma main. La prophétie de M. Cafron se trouva réalisée quand je me présentai au cottage le lendemain matin. Ma divinité se montra toute gracieuse et nous partîmes ensemble dans les meilleurs termes, accompagnés par Gervois, qui vint avec nous d'assez mauvaise grâce et qui resta presque toujours fort en arrière pendant tout le temps de notre voyage, pour nous rendre au petit marché de Barcette et pour en revenir. Barcette était une petite ville fort gaie à cette époque où il y avait de nombreuses voitures sur toutes les routes et un grand mouvement dans les auberges qui s'y trouvaient. Mademoiselle Cafron avait plusieurs commissions à faire, et je fus extrêmement heureux de veiller sur elle pendant qu'elle s'en occupait. Nous revînmes tous les trois au Eldridge, chargés de nombreux et légers paquets, sans oublier les paniers de fraises, et ma divinité daigna causer gracieusement avec moi, pendant que son maussade frère s'amusait sur la route et restait constamment en arrière. Ce n'était qu'une promenade d'un mille à travers une plaine occupée par de nombreux bouquets d'arbres, où les vaches s'arrêtaient pour nous regarder dans les poses les plus pittoresques. Mais pour un jeune homme, affolé d'amour pour une femme de 23 ans, le pays que nous traversions semblait coupé en plein cœur du paradis. Je ne veux pas m'appesantir sur la folle cour que je fis à cette femme, mais à mesure que j'écris, le passé me revient avec des couleurs si vives qu'il m'est bien difficile d'éviter de rappeler chacune des phrases de cette déraisonnable passion qui a fait le malheur de ma vie. Il me suffira de vous dire que du moment où Harold Cafron fut certain que 3 garçons atteints de consomption se trouvaient seuls entre moi et une grande fortune, il résolut de faire de moi l'époux de sa fille, cette fille dont le caractère capricieux était le tourment de sa vie, dont la beauté si choyée n'avait pas réalisé les hautes espérances qu'elle avait fait naître, et dont les grands airs et les grâces étaient devenus si insupportables à cet égoïste sybarite qu'il aurait été heureux de s'en débarrasser en faveur du premier venu pouvant lui assurer une existence décente. J'étais admis dans la petite famille dans les termes de la plus parfaite intimité. J'étais invité à dîner 2 fois par semaine et à venir en ami chaque fois que cela me plairait. Les plus tendres mélodies d'amour m'étaient chantées chaque soir par une belle voix de soprano et chaque soir penchée sur le vieux petit piano loué de Mademoiselle Cafron. Je m'enivrais autant des beautés de la musique que des charmes de la cantatrice. Mais si mon hôte se montrait constamment cordial, j'avais à subir toutes les variations du caractère de sa fille. et je les supportai aussi lâchement que le plus vil esclave, toujours prêt à se traîner dans la poussière, sous les pieds d'une sultane en courroux. Dans les jours de soleil, quand le brillant sourire éclairait le visage de Mademoiselle Cafronne, j'étais heureux. Dans les jours orageux, je tremblais devant le froncement de ses sourcils et je me sentais malheureux. Mais les débuts de la vie sont pleins de douceur, et ma joie comme mon chagrin avaient cette fraîcheur, cette saveur de jeunesse et d'espérance, qui prête tant de charme à toutes les émotions qui font battre le cœur d'un jeune homme. J'étais trop profondément absorbé dans mes propres sentiments pour être bien curieux des antécédents et de la situation présente de mes nouvelles connaissances. M. Cafronne m'avait dit qu'il descendait d'une vieille famille saxonne qui lui donnait le droit de marcher de pair avec les princes de l'heptarchie dont il pourrait revendiquer la parenté. Et j'avais une confiance absolue en ses paroles, car à mes yeux, la beauté de sa fille portait ce cachet de noblesse qui n'appartient qu'aux descendants d'une race royale. J'écoutais avec respect tout ce qu'il plaisait à Harold Cafronne de me dire, et je me résignais en toute humilité à croire que les Pierpoint n'étaient que de piètres personnages en comparaison de l'illustre famille saxonne des Cafronne. J'appris par hasard que le père de Caroline avait eu une commission dans les grenadiers de la garde, qu'il l'avait vendue à l'époque de son mariage et qu'il avait dévoré 3 fortunes. J'ai observé depuis cette époque qu'un dissipateur ruiné n'a jamais mangé moins de 3 fortunes. Ce nombre est aussi arbitraire que la traditionnelle demi-couronne qu'un millionnaire promène dans sa poche quand, pauvre enfant, sans famille et sans amis, il arrive épuisé de fatigue sur le pavé des rues de Londres. Après la mort de sa femme, Harold Cafronne avait servi sous Don Carlos et ses filles avaient passé les plus belles années de leur première jeunesse en Espagne. Depuis ces 5 dernières années, mes amis avaient mené une vie errante, tant en Angleterre que sur le continent, ne faisant jamais un long séjour nulle part, ainsi que je puis en juger par les souvenirs auxquels ils faisaient allusion sur les différents lieux qu'ils avaient habités. Que m'importait le lieu où les premières années de ma divinité s'étaient passées? Il me suffisait de savoir qu'elle était belle et que je jouissais du privilège de l'adorer. Le temps passait, les premières brises froides de l'automne me trouvèrent errant dans les champs pleins de chaumes qui entouraient Weldridge avec Caroline et son frère. Il y avait près de 3 mois que j'habitais ma petite auberge de village. Depuis longtemps, la santé et la force m'étaient revenues, j'avais fait plusieurs voyages au temple, et j'avais rapporté mes livres de droit à la campagne, en me disant que je pouvais y continuer mes études tout aussi bien qu'à Londres. Mais, malheureusement pour mes beaux rêves de grandeur juvénile, les ombres de Bacon et de Coke s'étaient évanouies. Je m'efforçais de les évoquer, mais c'était Caroline Cafronne qui m'apparaissait à leur place, et après être restée devant mes livres très avant dans la nuit, je voyais venir le matin sans autre fruit de mes études qu'un vague souvenir des rêves embellis par son image. Pourtant, je faisais encore des efforts sérieux pour me livrer au travail. Pourtant, je continuais à me nourrir fermement l'espoir d'un bel avenir. À la fin de chaque semaine, j'écrivais une longue lettre à ma mère, dans laquelle je lui parlais de mes études, de l'amélioration de ma santé et fort peu de mes nouveaux amis. J'avais l'intention de lui écrire une lettre fort étendue sur ce sujet, et de me confier de la manière la plus entière à elle avant de faire ma déclaration à Mademoiselle Cafronne. Mais je remettais la composition de cette lettre importante de jour en jour, de semaine en semaine, et l'aveu que je voulais différer jusqu'après l'accomplissement de ce devoir s'échappa malgré moi de mes lèvres un jour que j'étais avec Caroline dans un petit bois à cueillir des fraises pendant que Gervoise nous attendait je ne sais où. Elle était sur une petite éminence qui s'élevait un peu au-dessus de moi. Elle me regardait à travers un cadre de verdure qui s'était formé autour d'elle. Elle était dans un de ces jours orageux, et son caractère capricieux m'avait mis à la torture pendant toute l'après-midi. Mais elle s'était radoucie à la fin, et elle s'était plainte à moi des tourments de sa vie, de la dureté de son père, et les humiliations journalières auxquelles sa pauvreté l'exposait. Elle s'était plainte à moi, les larmes aux yeux, mauvaises larmes d'une femme égoïste qui ne songe qu'à ses ennuis personnels, qui n'a souci sur cette terre que de ses peines et de ses plaisirs. Mais pour moi, ses larmes étaient plus attendrissantes que la vue des angoisses d'une niobée. De toutes les passions déraisonnables, l'amour chez un jeune garçon est celle qui est le plus complètement déraisonnable. Et l'amour chez l'homme fait, vaut-il mieux? Ah, Marcia, même maintenant, où je m'imagine être si sage, est-ce que je vous aime parce que vous êtes bonne, pure et sainte, ou seulement parce que je vous aime? Sur mon âme, c'est une question à laquelle je serais fort embarrassé de répondre. Si j'apprenais demain que vous avez empoisonné tous les pauvres enfants du village au milieu desquels vous m'êtes apparu, comme une créature si douce et si sainte, que je me suis étonné de ne pas voir votre tête entourée d'une divine auréole, c'est à peine s'il me serait possible de vous aimer moins, tant ma volonté a peu de part dans le sentiment absorbant qui est devenu le premier principe de mon existence. Pardonnez-moi de faire intervenir votre nom au milieu de ces lignes que je voulais consacrer au triste et simple exposé de ma déplorable histoire. Mais votre image et la folie qui me possède en ce moment viennent s'interposer entre moi et les souvenirs du passé et me font oublier que je n'ai pas le droit de vous dire tout ce que je ressens et tout ce que je souffre. J'oublie que je n'ai pas le droit de souiller votre nom en l'inscrivant au milieu de ces pages. La vue du chagrin de Mademoiselle Caffron mit en fuite toutes mes bonnes résolutions. Elle était véritablement malheureuse avec son père, me disait-elle. Il ne prenait pas convenablement soin d'elle. Quand il était dans ses moments de tendresse, il la traitait comme un épagneul favori. Dans ses moments d'emportement, il lui faisait subir un traitement pire que celui qu'on n'inflige jamais à un chien. Ses petits lambeaux de phrases étaient scandés par des sanglots. Elle me disait tout cela en arrachant tristement les feuilles des petits arbustes qui l'entouraient. Elle me parlait le visage à demi détourné. Je ne sais pas même si elle avait conscience de ma présence. Elle trouvait du soulagement à se plaindre et elle se plaignait. Elle me montra une cicatrice sur son beau bras blanc et rond. C'était la marque qu'avait laissé un tisonnier rouge avec lequel son père l'avait frappé dans un moment de colère. Mais elle reconnut cependant qu'il ne savait pas que ce tisonnier fût chaud. Son frère était grossier et insupportable, me disait-elle encore. Sa sœur avait fait un bon mariage, était partie aux Indes pour jouir de la vie au milieu de la plus charmante société, sans une pensée pour celle qu'elle abandonnait aux tourments de la pauvreté, sans avoir une toilette décente à se mettre, et réduite à se disputer avec les propriétaires des pauvres logements occupés par son père. Sa sœur était véritablement une égoïste créature, qui ne l'avait jamais aimée. Personne ne l'aimait, non, personne, personne, personne. En répétant ce dernier mot, elle frappait la terre du pied, en proie à une émotion profonde et passionnée que je n'avais pas encore eu l'occasion de remarquer en elle. « Oh, Mademoiselle Caffron, m'écriai-je. Oh, Caroline, vous ne savez pas combien je vous aime. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je vous adore. » Je rougis en prononçant le grand mot, que je croyais si bien être l'expression de ma pensée intime et de mes sentiments. Caroline Caffron retourna la tête et abaissa ses regards sur moi. Son air maussade disparut et un demi-sourire de plaisir vint éclairer son visage. « Vous êtes tellement enfant en comparaison de moi, dit-elle, que je ne sais pas trop si vous comprenez la portée de vos paroles. » Comme de raison, je lui dis que la passion qui me brûlait dans le fond de mon cœur était aussi éternelle que le ciel qui s'étendait au-dessus de nos têtes par cette belle journée d'automne. Alastor et la révolte d'Islam m'étaient familiers dans ce temps-là. Et je rougis encore maintenant, quand je pense aux extravagances auxquelles je me laissais emporter pour peindre mes sentiments à Mademoiselle Caffron. Elle fut enchantée de mes niaiseries romanesques. Il était dans sa nature de trouver du charme dans l'admiration et dans la flatterie, n'importe d'où elles vinssent. Pour le moment, elle avait oublié tous ses ennuis, et elle consentit gracieusement à errer, appuyée sur mon bras, à travers les allées solitaires du bois, écoutant mes rhapsodies, les paupières baissées et les joues couvertes d'une légère rougeur. Mais si Caroline oubliait les malheurs dont elle venait de se plaindre, il n'en était pas de même de moi. Je lui dis que si elle voulait accepter le dévouement de toute ma vie, elle pourrait s'affranchir de toutes les misères de son existence et qu'elle serait pour jamais à l'abri des mauvais traitements de son père. Il était vrai que pour le moment j'étais loin d'être riche, puisque je ne recevais de mon oncle qu'une pension de 100 livres par an en dehors de mon travail, mais que dans peu d'années je serais reçu au barreau. Et alors, lâchant les rênes à mon imagination ambitieuse, je traçais ma divinité et la glorieuse carrière que je me proposais de suivre une carrière que j'étais sûr de parcourir avec succès si je l'avais à mes côtés, comme la douce compagne de mes peines, comme l'épouse idolâtrée, pour l'amour de laquelle l'accomplissement des travaux d'Hercule semblerait la tâche la plus facile dont un homme soit jamais sorti victorieux. Je lui dis comment, par la protection du vieil ami de mon père, l'ermite du temple, j'avais déjà gagné pas mal d'argent en écrivant des essais scientifiques pour une revue périodique, et comment j'espérais, par des travaux de ce genre, arriver à doubler mon revenu. Et alors, quel avenir nous attendait ? Je n'avais que bien peu de choses à offrir à ma divinité dans le présent, mais il ne peut exister de plus grands privilèges sur terre que ceux que je lui promis dans les jours glorieux que l'avenir nous réservait. Elle m'écoutait toujours, avec le même demi-sourire errant sur ses lèvres rosées. Peu importe un papa avec qui je me marierai, pourvu qu'il soit débarrassé de moi, dit-elle quand je lui demandais la permission de parler à son père. Il avait coutume autrefois de me parler pompeusement du grand mariage que je devais faire, si je voulais agir suivant ses désirs. Mais les jeunes filles qui portent des robes de mousseline usées par les blanchisseuses et qui vivent dans d'affreux logements, dans des villages éloignés des grandes routes, n'épousent pas tous les jours des ducs et des millionnaires, et je crois que mon père commence à le comprendre. Je pris ces paroles comme une sorte de permission de me déclarer à son père, et alors je la suppliai de répondre à une seule grande question d'où mon avenir dépendait. M'aimait-elle ? Oh non ! Je m'empressai de revenir sur les mots présomptueux que je venais de prononcer. N'était-ce pas la dernière des folies de m'imaginer qu'elle pût m'aimer ? Consentirait-elle à tolérer mon amour ? Voudrait-elle me permettre de me faire son humble esclave ? Me laisserait-elle me prosterner dans la poussière à ses pieds ? Voudrait-elle condescendre à poser son pied sur mon cou ? Telle fut la phraséologie dont je me servis pour demander à Caroline de consentir à être ma femme. Ce n'est pas ainsi, Marcia, si j'étais libre, que je voudrais vous adresser la même question. Je ne puis obtenir aucune réponse décisive de ma capricieuse beauté. Elle me tortura par de petites phrases empreintes de coquetterie sur mon manque de cœur, sur son défaut des qualités essentielles à une femme, qui doit être la compagne d'un homme qui lutte contre les difficultés de la vie, sur la différence de nos âges, sur l'incompatibilité de nos caractères. Mais ses manières n'étaient pas en harmonie avec ses discours. Si d'un côté elle mettait en avant tous les obstacles imaginables que devait rencontrer ma recherche, d'un autre côté, l'expression de sa physionomie m'encourageait à y persévérer. « Je ne pense pas que je doive me marier jamais, dit-elle. Vous savez quel affreux caractère est le mien, et combien l'indulgence m'a gâtée. Si vous voulez une épouse soumise, prenez quelques petites femmes blondes, aux joues roses, aux cils blancs à force d'être blonds. Les jeunes filles marquées de taches de rousseur sont généralement aimables, je crois. Vous ne pouvez pas vous figurer à quel point vous seriez fatigué de mon caractère après une semaine ou deux. Mon père et moi, nous nous querellons toujours. Je vous donne un bon avertissement, vous voyez ce qui vous attend. » Cette phrase, « ce qui vous attend », résonnait à mon oreille comme une acceptation. Et quant à l'avertissement, quel avertissement aurait pu m'arrêter à cette époque de folie de ma jeunesse ? Si une main descendue du ciel était venue écrire son caractère en lettres de feu sur son front, j'aurais cru à sa beauté et non aux mots lumineux qui l'auraient défiguré. Le soir même, je demandai un entretien particulier à M. Cathron, qui consentit à me l'accorder. Quand je le suppliai humblement de me recevoir comme l'adorateur de sa fille, il me sourit gracieusement, enchanté, me dit-il, de voir mon enthousiasme juvénile si consolant dans ces temps dégénérés. Il ne voulait dire ni non ni oui, il se contentait de dire « attendons ». J'étais encore si jeune, me dit-il, qu'il y aurait folie à compter sur la durée d'un sentiment qui puisait son charme le plus puissant dans la poésie de la jeunesse. Ces passions de la première jeunesse durent quelquefois autant que la vie et gardent leur première fraîcheur jusqu'à la mort. Mais de nos jours, les attachements sont bien éphémères, et de toutes les pierres qu'un homme peut se mettre au cou, un long engagement est sans contredit la plus lourde. Vous assurez que ma fille est disposée à accueillir favorablement votre recherche, dit M. Cathron en concluant. Elle est plus âgée que vous d'un an ou deux, mais comme caractère ce n'est qu'une véritable enfant, et je ne la crois pas capable de se rendre compte de ses propres sentiments. Je ne puis donc que vous dire encore, attendons. Remettez-vous à vos études. Rappelez-vous que l'avenir sur lequel vous comptez ne peut être que la récompense d'un travail opiniâtre. Mais venez nous voir de temps en temps, tous les dimanches si cela vous plaît. Un jour tranquillement passé à la campagne sera bon pour vous, après une semaine de travail. Traitez ma fille comme une amie, comme une sœur, et avec le temps, quand vous serez plus âgé d'un an ou deux, quand vous aurez plus d'expérience, nous commencerons à penser au mariage. Pendant ce temps d'épreuve, considérez que nul engagement n'existe entre vous et Caroline, et si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaise mieux, tenez-vous comme parfaitement libre de changer d'avis. Je n'avais aucune objection à faire à des arrangements si raisonnables, et je les acceptais avec bonheur. M. Catherine me donna sa bénédiction et de plus, en me quittant, il me fit don d'une miniature représentant ses deux filles, miniature qui avait été faite pour lui, peu de temps avant le mariage de Léonora par un artiste de quelque distinction et que j'eus quelque raison de croire depuis n'avoir jamais été payé. Avec ce trésor en ma possession, je remins à Londres à la fin de la semaine, me remettre au travail et à lire sur mes livres dans ma triste mansarde sous les toits où tant de générations d'étudiants en droit s'étaient succédées. Mais les puissantes ombres du passé m'avaient complètement abandonné. Et l'image adorée d'une femme belle entre toutes les belles venait seule me tenir compagnie pendant mes longues nuits sans sommeil. Quand je revins à Weldridge faire ma première visite du dimanche, je portais une large bande de crêpe autour de mon chapeau et j'avais dans ma poche la lettre bordée de filets noirs m'annonçant la mort du plus jeune de mes cousins. Ce pauvre enfant avait été retiré malade à Eton et il était venu s'éteindre lentement à Pierpoint, première victime du mal héréditaire qui vicia le sang des descendants de mon oncle Weldon. Rien de plus sympathique que les manières de M. Catherine. Quand je lui dis que ce pauvre enfant avait été le chéri et le favori de sa famille et de la nôtre. Je regardais Caroline pour chercher quelque plus douce consolation qu'il n'était au pouvoir de son père de m'en donner. Mais elle reçut ma triste nouvelle très froidement et dit que le petit garçon était sans aucun doute plus heureux où il était parti que sur la terre, et que ce serait absurde de se chagriner pour lui. Je regrette de n'être pas morte quand j'étais enfant, dit-elle. J'aurais ainsi échappé à toute espèce de tourment et de maux, et tout le monde en eût été fâché, et on eût dit sur tous les tons des choses sentimentales à propos de moi au moment même, tandis que, comme c'est, j'ose le dire, tout le monde sera content quand je mourrai. Naturellement, je lui dis la désolation et le désespoir qui suivraient sa mort, n'importe quand elle arriverait. Depuis ce temps, hélas, j'ai prié. J'ai fait de ferventes prières pour me faire pardonner d'avoir quelquefois souhaité sa mort, et cependant, je l'ai souhaité en dépit de toutes mes prières. J'écrivais à ma mère aussi souvent que jamais, mais pas aussi franchement que dans l'ancien temps. Mon cœur manquait de courage quand je voulais lui parler de Caroline et de mon amour. J'aurais eu tant à dire. J'aurais eu à répondre à tant de questions. Puis le capitaine Catherine n'était pas dans la position qu'il aurait dû occuper. Il y aurait eu à raconter la triste histoire de la décadence d'un mangeur de tout bien. Et cette histoire aurait pu indisposer ma mère contre Caroline. D'un autre côté, je pensais que puisque j'avais pris un engagement positif, j'avais réellement très peu de choses importantes à dire. Et que j'aurai toujours bien le temps de m'expliquer plus tard. Je travaillais sérieusement toute la semaine et je quittais rarement ma chambre pour me promener pendant une heure dans l'obscurité du soir ou pour aller travailler pendant le jour dans une des salles du musée britannique. J'étendis mes relations littéraires après mon retour de Weldridge et je devins collaborateur de plusieurs recueils périodiques de la classe la plus élevée. Mon travail dans cette voie me rapportait beaucoup d'argent que j'économisais pour Caroline. M. Catherine m'avait dit incidemment qu'il serait tout à fait absurde à moi de parler de me marier avant d'avoir le commencement d'une modeste fortune. Je me souvenais de cela, et lorsque je m'en allais me coucher sans dîner, comme cela m'arrivait très souvent dans ce temps-là, c'était pour Caroline que j'économisais. L'automne se changea en hiver pluvieux, sans gaieté et sans espérance. Je continuai à travailler tranquillement toujours dans le même cercle d'ennuyeux travaux, interrompu seulement par mes visites du dimanche à ma divinité, qui me recevait avec des sourires ou des froncements de sourcils selon ses caprices du moment. J'aurais pu passer mes fêtes de Noël au château de Pierpoint, où mon père et ma mère tenaient maison pratiquant l'hospitalité et en distribuant des charités, selon l'ancienne mode, pendant l'absence de mon oncle Weldon, qui ne pouvait supporter l'hiver que sous des latitudes méridionales. Ma mère me souhaitait auprès d'elle. Mon cœur aussi soupirait après sa présence. Mais j'étais invité à passer le jour de Noël avec Caroline, et je ne pouvais rompre la chaîne qui me rivait à elle. Mon travail littéraire était une bonne excuse pour rester à Londres, et j'ajoutais la somme que mon voyage m'aurait coûté au petit trésor que je m'étais fait un plaisir si vif d'amasser pour Caroline. Ma récompense fut la réception la plus maussade que j'eus jamais reçue de la part de Caroline. Elle me parla à peine une demi-douzaine de fois durant ce triste jour d'hiver, et elle ne répondit que par monosyllabes à son père lorsqu'il lui adressa la parole. M. Cartron essaya de me distraire, mais Caroline refusa de jouer du piano lorsqu'il lui demanda de faire de la musique, et pendant que je cherchais quelque moyen de la voir seule, elle annonça qu'elle souffrait horriblement d'un mal de tête et me souhaitait le bonsoir, sans avoir égard à mes regards suppliants, ni aux paroles que je murmurais, pour lui demander de me dire ce qui allait mal. Son père affecta de croire à des douleurs de tête et de ne pas s'apercevoir du mauvais caractère de sa fille. Je m'en retournai seul dans la voiture, à travers des routes défoncées et une pluie continue, très chagrin de l'accueil froid de ma divinité, et pensant tristement aux croisées éclairées du château de Pierpoint, brillant dans la nuit obscure, et à l'agréable société rassemblée autour de mon père et de ma mère dans le salon aux boiseries de cèdre. Je n'avais pas la permission d'écrire à Mademoiselle Cathron. Je devais donc rester vraisemblablement dans l'entière ignorance de la cause de sa mauvaise humeur, jusqu'au dimanche suivant, où je trouverais quelque occasion de l'interroger. J'ai été persuadé qu'il était arrivé quelque chose en dehors du cours ordinaire de la vie pour la troubler, et cette pensée me remplissait de perplexité. Je ne pouvais même sans difficulté fixer mon esprit sur mon travail, et j'attendais avec inquiétude la fin de la semaine. Ce fut le samedi soir qu'il arriva un événement qui décida du sort de ma vie. J'avais écrit la plus grande partie du jour, et j'étais resté assis à mon bureau jusqu'à ce que mon mal de tête et les crampes que j'éprouvais dans la main me laissassent à peine la force de tracer des caractères sur la page que j'avais devant moi. J'abandonnai à la fin cet exercice fatigant. Je pris au hasard un volume sur la pile qui était à ma portée et je commençai à lire. Ma peine eus-je lu quelques pages, que mes paupières fatiguées se fermèrent et que je tombai dans un assoupissement qui peu à peu se changea en profond sommeil, pendant lequel je rêvais que je traversais à gué, en ayant de l'eau jusqu'aux genoux, un ruisseau paresseux, un ciel sans étoiles au-dessus de moi et une pluie impitoyable tombant sur ma tête. Au milieu des profondes ténèbres qui m'entouraient, j'aperçus une faible lumière brûlant au loin, et ce fut vers cette lueur éloignée que j'essayai de me frayer un passage. Mais en dépit de tous mes efforts, je me sentais reculer plutôt qu'avancer et retenu en arrière par quelque horrible poids qui me paralysait et m'empêchait de remuer. C'était un cauchemar fort ordinaire, je suppose, et très naturel, dans l'état de mon cerveau surexcité par un excès de travail. Mais j'étais assez faible quelquefois pour m'imaginer que ce pénible rêve contenait le sens caché de ma vie. Je fus éveillé tout à coup par la chute de mon livre, qui avait glissé de ma main inerte et était tombé pesamment sur le sol. Deux bruits frappèrent mes oreilles lorsque je m'éveillai. Celui de la pluie qui fouettait les vitres, que j'avais entendu dans mon rêve, et celui d'un coup frappé précipitamment à ma porte. Je me levai pour répondre à cet impatient appel, et en ouvrant la porte, je vis une femme dont la tournure ne pouvait se reconnaître sous les plis volumineux d'un énorme châle et dont la figure était cachée par un voile épais. Avant que je pusse lui parler, elle rejeta son voile mouillé loin de sa figure, et je reconnus Caroline Cathron. « Caroline ? » m'écriai-je. « Au nom du ciel ! » Qu'est-ce qui vous amène ici et par ailleurs, votre père? Oh, il ne lui est arrivé aucun mal, si c'est cela que vous voulez dire, répondit-elle avec impatience. Quoi qu'il soit la cause de ma présence ici ce soir, il n'y a pas d'autre cause que sa méchanceté. Mais cela semble nécessaire à de certaines gens de tourmenter les autres. Laissez-moi m'asseoir près de votre feu, je vous prie, Godfrey, et ne me regardez pas comme si j'étais un fantôme. Prenez mon châle, maintenant mon chapeau, dit-elle en me tendant ses vêtements mouillés. « Avez-vous quelques servantes ?»« Non, Je me souviens que votre femme de ménage vient seulement le matin, mais cela importe peu. Je ne veux rester chez vous que jusqu'à ce que mon châle soit sec, et alors je vous prierai de me conduire dans un hôtel n'importe lequel, où je puisse avoir un logement. Vous n'avez pas le moindre usage de me regarder de cette façon absurde, monsieur Pierpoint. Je ne retournerai jamais à Weldridge, ni dans aucun autre endroit en Dridge, où mon père demeurera. Mais, Caroline ? Elle releva la tête avec impatience. Je n'ai jamais vu briller sa beauté avec plus d'éclat que ce soir-là, dans sa robe de stoff noir et ses cheveux noirs, soigneusement écartés de sa figure. J'étais beaucoup trop étonné par sa présence pour faire autre chose que de la regarder fixement, tandis qu'elle se jetait tranquillement dans le fauteuil que j'avais occupé et mettait ses pieds mouillés sur le garde-feu. Il n'y avait rien de hardi ni d'immodeste dans sa familiarité. C'était plutôt la manière d'une reine populaire qui cherche un abri dans la demeure d'un de ses sujets et qui sait que par sa présence, elle lui confère un honneur. Il est fort inutile que vous me prêchiez sur mon devoir ou n'importe quoi de cette espèce, s'écria-t-elle. Arrive que pourra. Je ne retournerai jamais dans aucune maison où demeurera mon père. Nous nous sommes toujours querellés, depuis que je suis en âge de le faire. Et la veille de Noël, les choses sont arrivées à l'état de crise. Nous ne nous sommes pas parlé depuis cette soirée, si ce n'est lorsque nous y avons été contraints et forcés. Naturellement, c'est une chose épouvantable, pour un père et une fille, de se quereller comme nous l'avons fait. Je sais cela, tout aussi bien que vous. Mais le caractère de papa m'est insupportable, et je suppose que le mien lui produit le même effet. Nous nous ressemblons trop, je pense. Papa est un tyran qui a besoin de régner sans conteste sur des gens soumis et stupides qui ne lui fassent jamais d'opposition. Et moi, je ne suis pas le moins du monde, ni soumise ni stupide que je sache. Et le résumé de tout ceci est que nous ne pouvons pas plus longtemps vivre sous le même toit. Vous n'avez aucune raison pour avoir l'air si terrifié, Godfrey. Je ne veux faire que ce que font tous les jours les filles dans ma position, et dans des positions encore meilleures. Je veux me placer comme gouvernante. Si j'avais proposé une telle chose à papa, il aurait débité toutes sortes de pompeuses folies sur les Catherines et sur Édouard le Confesseur, quoiqu'il avoue lui-même qu'Édouard le Confesseur ne lui ait jamais été le moins du monde utile dans aucune des phases de sa carrière. Dans le fait, ce que papa aurait voulu était de me garder pour lui jouer Mozart jusqu'à ce que mes cheveux fussent devenus gris, et de me contrecarrer dans tous les plus chers désirs de mon cœur. Enfin, à ce que je fusse complètement son esclave, sans me plaindre. De sorte qu'au lieu de débattre cette affaire avec lui, j'ai pris tranquillement la voiture du soir de Weldridge, et je suis parti, et j'ai marché depuis le bureau de la voiture jusqu'ici, n'ayant pas assez d'argent pour prendre un cab. Aussi, je vous prie, prêtez-moi quelque argent, et allez-moi chercher un logement. « Mais n'avez-vous aucune amie à Londres qui puisse vous recevoir, Caroline ?» lui demandai-je, en regardant avec anxiété ma montre. « Vous seriez plus convenablement dans la maison d'une amie que dans un logement étranger. »« Naturellement, » répondit Mademoiselle Catherine avec impatience. « Mais je n'ai point d'amie chez laquelle je puisse aller un samedi soir et dire « Je me suis enfui de chez papa, je veux une place comme gouvernante. En attendant, voulez-vous me recevoir ?» Ces sortes d'amis ne sont pas très communes. C'était un argument sans réplique. Aussi je mis mon chapeau et sortis à la hâte, après avoir assuré à Caroline que j'allais faire de mon mieux pour pourvoir à sa sûreté et à son confort. Je ne connaissais qu'une seule personne à laquelle je pusse recourir dans mon embarras, et cette personne était ma blanchisseuse, dont fort heureusement je savais l'adresse. Je fus assez fortuné pour la trouver chez elle encore levée. Après que je lui ai fait ma confidence, elle me dit qu'elle connaissait un humble mais respectable logement où la jeune personne pourrait s'installer jusqu'à ce qu'elle fût placée, où elle serait moins en butte aux soupçons et moins exposée à une impertinente curiosité que dans un hôtel. « Pauvre chère jeune créature, » dit la blanchisseuse, « elle doit avoir le cœur bien déchiré et être bien intimidée de se trouver à Londres, dans une position comme ça, et sans avoir une place où reposer sa jolie petite tête. » Je dis à la digne femme que la jeune personne en question avait beaucoup de caractère et était peu portée à la timidité. Était-je fière ou étais-je honteux d'elle parce qu'elle était si différente des autres femmes? Je puis à peine le dire. Je sais seulement que l'influence de sa présence me rendait son esclave, comme l'opium séduit et dompte celui qui le mange, quoiqu'il sache bien qu'il renferme la destruction et la mort. le respectable logement se changea en une très petite chambre dans un petit square derrière Fleet Street. Un bizarre petit square à l'ancienne mode, si entouré et si enclavé dans de plus importants bâtiments qu'un homme aurait pu vivre tout près d'un demi-siècle sans avoir connaissance de son existence. Je vis la propriétaire de la maison garnie, et m'étant convaincu que c'était une personne respectable et polie qui recevrait Caroline et la traiterait convenablement, je quittai ma blanchisseuse et retournai chez moi. Je trouvai ma divinité assise près du feu dans la même attitude où je l'avais laissée. C'était une divinité mécontente et irritée, peu disposée à s'enchanter de n'importe quels arrangements que j'avais pu prendre pour son bien-être. Je me rappelle maintenant qu'elle ignorait complètement tous les ennuis que j'avais pu éprouver en cherchant son logement. Mais dans les jours de ma folie, elle était aussi charmante pour moi dans ses plus grandes bouderies que dans sa meilleure humeur, et je l'accompagnais ce soir-là avec l'humilité d'un esclave, et je la vis confortablement installée dans son petit logement du troisième, avant de retourner à mon propre appartement. J'avais pris 5 sous d'or dans mon trésor, et je les lui remis en lui souhaitant le bonjour. C'était quelque chose d'avoir travaillé, pour pouvoir avoir le délicieux privilège de venir en aide à ses nécessités, quelque froidement qu'elle reçût mes services. Je revins chez moi pour penser à elle et rêver d'elle, et j'eus l'honneur de l'accompagner aux offices à Temple Church le lendemain, et après de la mener promener à St. James Park. Ce fut durant cette promenade que je lui représentai toutes les misères qu'elle s'était attirées en faisant la démarche qu'elle avait faite. La difficulté d'obtenir aucun secours de ses amis aussi longtemps qu'elle resterait en mésintelligence avec son père. L'entière impossibilité de trouver aucune situation sans l'aide et la recommandation d'amis, et enfin, l'absence de motif pour s'être conduite ainsi. N'étais-je pas à son entière disposition, prêt à lui trouver un logis dans lequel elle ne serait pas dépendante, mais seule maîtresse, si elle voulait seulement accepter un logement pris par moi? Pourquoi ne m'épouserait-elle pas tout de suite, lui dis-je, puisqu'elle était déterminée à ne jamais retourner chez son père et puisque, comme elle le disait elle-même, elle était d'un âge à faire tout ce qui lui plaisait sans consulter personne. Après que j'eus plaidé longtemps, elle se décida à réfléchir à ma proposition. Toute la soirée de ce dimanche, je restai seul dans ma modeste chambre, incapable soit de lire, soit d'écrire, et sans aucune meilleure occupation que de compter les heures et les minutes qui devaient s'écouler avant que je pusse connaître mon sort. Lorsque j'allais voir Caroline le lendemain matin, je la trouvais encore irrésolue et pesant encore toutes mes raisons, mais à la fin, je parvins à lui arracher une demi-adhésion à notre mariage immédiat et je la quittai, jouissant par parenthèse d'un bonheur inexprimable et me croyant un fort important personnage d'avoir tant d'affaires sur les bras. Mais tout à coup, alors que le moment critique était arrivé, je fus saisi d'un doute soudain et je me demandais si mon père et ma mère consentiraient à ce mariage prématuré. N'était-il pas presque certain qu'ils s'opposeraient à une telle démarche, qu'il leur paraîtrait une imprudence, qu'ils me la défendraient même? Je connaissais assez ma mère pour savoir qu'elle voudrait connaître intimement Caroline avant de l'accepter comme belle-fille. Et comment Caroline pouvait-elle rester dans un square derrière Fleet Street jusqu'à ce que ma mère puisse arriver du comté de York pour faire sa connaissance? Ou comment mener ma fiancée à Pierpoint sans y être invitée, dans la position où elle se trouvait après avoir abandonné son père? Puis il y avait une autre question que je n'osais me faire à moi-même, tant était difficile la réponse. Lors même que ma mère eut le temps et l'occasion de devenir intime avec Mademoiselle Caffron, le résultat de cette connaissance serait-il satisfaisant? Ce caractère capricieux, cette volonté impérieuse que je trouvais si charmant, pouvait ne pas fasciner une mère inquiète lorsqu'il se révélait chez la future femme de son fils. Après avoir débattu ma position dans une longue et pénible méditation, je restais convaincu que je devais à tout hasard suivre les lois de mon cœur et laisser à l'avenir le soin d'arranger les choses avec mes parents. Un an après, j'aurais plutôt pensé à me jeter par-dessus le pont de Londres que de me marier sans en prévenir mon père et ma mère et sans avoir leur consentement. Mais les liens d'affection et de devoir n'étaient qu'une toile d'araignée en comparaison des chaînes qui me rêvaient à Caroline Caffron, et je jetais toute considération au vent plutôt que de courir le hasard de perdre la femme que j'aimais. Dès le lendemain matin, je pris des arrangements pour notre mariage précipité. Comme je n'étais pas en âge, je devais éprouver quelques difficultés pour la permission et faire publier nos bons à Saint-Dostan. Car quoique je fusse assez lâche pour tenir mon mariage secret à mes parents, je n'étais pas décidé à me parjurer devant un procureur ecclésiastique, de sorte que le dimanche suivant et les deux d'après, les rares fidèles de Saint-Dunstan s'entendirent demander s'ils connaissaient quelque juste empêchement au mariage de Godfrey Pierpoint, étudiant, et de la fille Catherine Caffron. Et le quatrième mardi après l'arrivée de ma divinité à Londres, j'étais à son côté devant l'autel, à la demi-obscurité d'un sombre jour d'hiver, pendant qu'un curé, avec un surplis de couleur foncée, me joignait les mains pour célébrer assurément la plus fatale union qui ait jamais été célébrée dans cette vieille église de la cité. Nul n'était intervenu pour empêcher notre mariage. Pas un seul de tous les amis de mon père, en errant paresseusement, n'était entré dans l'église de Fleet Street pour s'étonner et se scandaliser en entendant le nom de Pierpoint au milieu d'une querelle de Smith et de Jones. Pendant que, d'un autre côté, M. Carthron n'avait fait aucune démarche pour réclamer sa fille, quoiqu'il dût bien savoir, par la cessation de mes visites du dimanche à Weldridge, que j'étais au fait de ce qu'elle était devenue. Et elle était ma femme, à moi, ma propre femme. Désormais, j'allais être le seul possesseur de ses yeux brillants, de ses lèvres roses dédaigneuses, et de son caractère avec ses capricieux changements, tantôt obscurcis par les nuages et devenant brillants, tantôt rayonnant et devenant nuageux. J'emmenais ma femme à Brighton, et pendant les deux courtes semaines de notre lune de miel, je trouvais que c'était une chose délicieuse de me soumettre à son humeur lorsqu'elle était en colère contre moi, et d'obtenir mon pardon pour n'avoir rien fait de particulier lorsqu'elle était fatiguée de bouder. Avant d'avoir eu le temps de découvrir que même ses délices pouvaient s'affaiblir, nous retournâmes à Londres et prîmes possession d'un joli petit cottage à Camberwell, un cottage dans un sentier sinueux de verdure ayant un jardin où tout l'été il y avait des roses et du chèvrefeuille et qui même en février avait un agréable aspect champêtre. C'est ainsi que Caroline et moi commençâmes la vie ensemble. Je gardais toujours mon mariage secret vis-à-vis de ma famille, espérant que l'avenir me fournirait quelque occasion favorable pour l'avouer. Je quittais ma femme chaque matin de bonne heure pour aller au temple, et je ne revenais près d'elle qu'à la brune. Même maintenant, je ne puis penser aux rues étroites qui se trouvent entre le temple et le pont de Blackfriars, ou à la longue route poudreuse entre le pont et Camberwell Gate, sans frissonner, tant ils ont été mêlés à cette époque de ma vie et avec le cœur déchiré que je portais avec moi tandis que je les parcourais. Ah, combien je découvris vite la fatale méprise que j'avais commise. En regardant en arrière, je ne puis trouver en dehors de notre courte lune de miel aucun temps où je n'ai pas pensé à quelle action insensée ma folle jeunesse m'avait entraînée. Que le ciel ait pitié d'un homme qui épouse une beauté. Il y a certainement de jolies femmes dans le monde qui n'ont pas conscience de leur beauté, comme certaines fleurs qui fleurissent et se fanent cachées dans les bois non frayés. Mais un homme doit fuir comme la peste, la beauté reconnue, l'enchanteresse qui connaît le pouvoir de ses charmes, à moins qu'il n'ait à leur offrir quelque 60 000 livres de rente et un titre de duc, et même dans ce cas, il peut être certain qu'elle le regardera toujours comme son débiteur. Je m'aperçus que j'avais épousé une femme qui, dès sa première enfance, avait reçu l'idée qu'avec une belle figure, elle possédait le talisman qui devait lui conquérir rang et fortune. Dès le jour même de notre mariage, les plaintes de Caroline résonnèrent sur la même corde, le sacrifice qu'elle avait fait en m'épousant, et quelquefois je me croyais un être criminel et malhonnête lorsqu'elle me faisait entrevoir avec colère quel mariage elle aurait pu faire et la position qu'elle aurait pu occuper sans moi. Le fond de ma petite fortune à venir avait été dépensé prématurément pour meubler notre petit cottage suburbain, et le prix du modeste mobilier fut à peu près le même que celui des meubles qui ornaient un certain étage de Buccleuch Place à Édimbourg, dans lequel Francis Jeffrey et sa jeune femme commencèrent leur ménage et où la revue d'Édimbourg fut élaborée. Il y a des femmes qui peuvent donner à une vie simple la grâce et la beauté qui manquent à de splendides foyers. Mais le côté poétique de la pauvreté n'était pas à la portée de l'intelligence de ma femme. Tout était chez nous triste, sordide et misérable. Ses idées sur la tenue d'une maison étaient celles d'une épicurienne extravagante et insouciante qui festoyait un jour et mourait de faim le lendemain, et qui ne se décidait jamais à payer une chose tant que son crédit n'était pas épuisé. Aussi, si j'avais été un homme auquel les jouissances corporelles eussent été essentielles, j'aurais eu de bonnes raisons de me plaindre de mon côté. Une de mes premières découvertes désagréables fut l'extravagance de ma femme. Elle me soutirait beaucoup plus d'argent qu'avec de la prudence je n'aurais dû lui en donner, et elle me trompait continuellement sur la manière dont elle l'employait. Ainsi, lorsque je lui avais donné de l'argent pour payer des mémoires, je trouvais les mémoires non payées, et l'argent était parti pour avoir un chapeau hors de prix, ou gaspillé en rubans et en gants. La simple robe de mousseline et le chapeau de paille dans lesquels j'avais admiré Mademoiselle Caffron avaient été mis de côté avec mépris par Madame Pierpoint, et elle m'appelait cruelle et avare lorsque je m'hasardais à faire quelques remontrances à ce sujet. Je supportais tout cela très patiemment, mais j'avais beaucoup plus à supporter encore. Ma femme me tourmentait par de perpétuelles sollicitations pour demander de l'argent à mon oncle Weldon. Pourquoi ne lui demanderais-je pas quelque assistance, disait-elle. Il roulait sur l'or, lui avait dit son père, et si ses deux fils mouraient, ce serait l'héritier présomptif de tous ses biens, quoique naturellement il était bien certain que l'une de ces horribles créatures vivrait quand cela ne serait que pour lui ôter à elle cette fortune. Car quel bonheur pouvait-il lui arriver jamais, toujours à elle, maintenant qu'elle avait flétri toute son existence en épousant un homme pauvre? Sur ce chapitre, cependant, mon refus fut toujours formel. Je dis à Caroline que dans n'importe quelle circonstance, je ne m'adresserai jamais à mon oncle pour en obtenir davantage. Et je lui dis de plus qu'aussitôt que je serais certain de revenus convenables, je renoncerai aux 100 livres qu'il me faisait par an. Cela fut la cause de fréquentes disputes entre nous. Un autre sujet de plainte plus amère encore, de la part de ma femme, était la tristesse de son existence. Tant que je tiendrais mon mariage secret, je ne pouvais l'introduire dans la société qui m'eût été ouverte si j'avais voulu utiliser les relations de ma famille. De jour en jour, je devins plus éloigné de révéler l'acte que j'avais accompli. De jour en jour, je fus plus convaincu que Caroline et ma mère ne pouvaient se convenir. Un temps viendrait, naturellement, où mon secret serait dévoilé. Et alors ceux qui m'aimaient si tendrement et qui espéraient tant en mon avenir apprendraient comment je l'avais entièrement perdu. J'avais une terrible prévision que cette nouvelle briserait le cœur de ma mère. Et c'était cette crainte, plutôt que la peur des reproches, qui m'empêchait de révéler le changement qui s'était opéré dans ma position. J'allais faire une courte visite à Pierpoint, le printemps qui suivit mon mariage, et le calme bonheur de ma vieille demeure me sembla un reflet du ciel. Avant 6 mois de ménage, je savais que ma femme me détestait. J'aurais pu le découvrir fortuitement, de 100 manières, mais le plus léger doute ne pouvait exister à ce sujet dans mon esprit, puisque la femme que j'avais épousée me dit un jour, dans les termes les plus clairs, que jamais elle ne m'avait aimé. Qu'elle ne s'était mariée avec moi que pour se venger de son père, qui avait empêché son mariage avec celui qu'elle aimait et qu'il aimait, et que le simple son de son nom lui était 100 fois plus cher que je n'étais et ne lui serais jamais. Elle me dit tout cela, un jour après une querelle, qui était venue à propos de ses plaintes insensées sur les insignifiantes misères de la vie. Elle me dit ces choses avec la plus entière indifférence, et pour ne pas me laisser le moindre doute sur l'existence de l'amant qu'elle me préférait, elle prit un petit paquet de lettres dans un bureau devant lequel elle était assise et me le jeta. « Lisez ces lettres, dit-elle, et vous apprendrez ce qu'un homme peut éprouver pour la femme qu'il aime. Elles ont été écrites par un homme qui avait une âme et un cœur, lui, qui n'était pas un ennuyeux piocheur, un cul-de-plomb, un vermisseau imbécile, laissant sa femme tous les jours pour s'enterrer parmi de vieux volumes poudreux. Ces lettres me sont plus chères maintenant que n'importe quoi au monde. » Je les lis tous les jours pendant que vous êtes loin de moi, et le soir je pense à lui lorsque vous avez la tête fourrée dans vos livres et que je suis assise en face de vous. Je suis une très vilaine femme, n'est-ce pas? Vous ai-je jamais dit que j'étais bonne? Ne vous ai-je pas dit 100 fois que je n'étais pas du tout faite pour la vie que vous pouviez me donner, que la pauvreté et l'ennui me rendraient folle? Elle était entrée dans une espèce de fureur à demi hystérique qui ne m'était que trop familière, et elle allait et venait dans la petite chambre comme une belle panthère dans son antre, paraissant tout aussi magnifique et tout aussi méchante. Je tenais le petit paquet dans ma main. Ce mince paquet de lettres était usé, souillé par de fréquents maniements. Il contenait une 12 douzaine de lettres liées avec un ruban passé et amoindri. Sur le dessus de l'enveloppe apparaissait un petit cercle graisseux qui indiquait la présence du plus primitif et du moins dispendieux de tous les gages d'amour, une petite boucle de cheveux coupée sur la tête de l'amant. J'enveloppai les enveloppes une à une et je regardai l'adresse et le timbre de la poste de chacune d'elles. Elles étaient adressées à Mademoiselle Caffron, à l'une des terrasses de Kensington, et les timbres portaient la date de l'année qui avait précédé mon mariage. Ayant constaté tout cela, je lançai le petit paquet au milieu du feu et je l'y maintins avec le tisonnier. Ma femme s'élança vers moi ressemblant plus que jamais à une panthère, et j'appris par son attitude, lorsque par un dernier effort elle se rejeta en arrière comme effrayée de ce qu'elle allait faire, aussi bien que par la nerveuse contraction de ses doigts minces, qu'elle aurait désiré me frapper. Nous mesurâmes nos pouvoirs de résistance ce soir-là pour la première fois. Jusqu'à ce jour, j'avais réellement été dans la position d'un esclave qui se soumet au despotisme de son impériale maîtresse. Mais à partir de ce moment, la première étincelle de ma nature d'homme s'alluma dans mon sein. Le lien invisible qui m'avait retenu si longtemps se brisa, et je pris tout à coup une nouvelle position vis-à-vis de ma femme. Elle me regardait, et la rage et l'étonnement se lisaient sur sa figure. « Comment osez-vous brûler ces lettres? Elles sont à moi !»« Madame Pierrepoint n'a nulle raison de garder les lettres d'amour adressées à Mademoiselle Caffron, » répondis-je. « Je réclame le droit de détruire toutes les choses que ma femme ne doit pas garder. »« Oh, comme je vous déteste! Comme je vous déteste !» s'écria-t-elle, en s'approchant de moi avec ses pas de chatte que j'avais admiré comme un de ses charmes. Je vous ai épousé parce que j'étais fâché avec mon père qui s'était mis entre moi et l'homme que j'aimais, parce que je n'ai jamais pu oublier ni pardonner cette offense, cette affreuse offense qui était depuis le commencement jusqu'à la fin le sujet de nos querelles. Et je vous ai épousé parce que j'étais en colère aussi contre lui. Car s'il m'eût réellement aimé, il ne m'aurait pas laissé si facilement. Je vous aimais parce que je détestais tout le monde et moi-même, et parce que c'était une chose aussi folie, aussi désespérée, que de me jeter par-dessus le pont de Waterloo ou de boire du sublime et corrosif. Pauvre, misérable fou, comment avez-vous été assez faible pour penser que je pouvais vous aimer? J'étais assez faible pour croire que vous étiez une bonne femme, mais désormais, que vous m'aimiez ou ne m'aimiez pas, sera une très petite question pour moi, mais je saurai me faire respecter par vous. Dès ce moment, mes sentiments pour ma femme changèrent aussi complètement que si j'avais été un nouvel homme. Je m'étais soumis en esclave au caractère capricieux d'une coquette, mais je m'en révoltais tout à fait contre les insultes d'une femme qui ne m'aimait pas. Il y a des hommes qui supportent de telles insultes et s'attachent avec une lâche et basse passion à la mégère qui les fait souffrir. Il y a des hommes qui acceptent les grâces extérieures de la beauté qui les a subjugués comme un contrepoids de toute sa laideur intérieure. Mais je n'étais pas de ces hommes-là. J'avais vécu rapidement depuis ma première rencontre avec Caroline Caffron, et cependant des discours cyniques de son père et de ses sentiments sans principe à elle, j'avais acquis la certitude que, dussé-je vivre à Pierrepoint un demi-siècle, je ne pouvais jamais l'y conduire. Après la destruction des lettres, ma femme et moi vécûmes à peu près comme nous avions vécu auparavant. Car le fait que l'amour passionné de ma jeunesse était tout à fait mort fit très peu de différence dans le cours monotone de notre existence. Je tins ma promesse et j'appris à Caroline à me respecter. Elle se plaignait toujours de notre pauvreté. Elle exagérait chaque petite privation. Mais ses plaintes avaient perdu leur ancien pouvoir de me blesser, car je ne l'aimais plus. J'écoutais tranquillement ce qu'elle disait, je faisais de mon mieux pour lui rendre la vie agréable, mais son malheur avait cessé d'être ma plus poignante angoisse. Son plaisir n'était plus ma plus grande joie. Connaissez-vous la résistance qu'il y a dans quelques touffes de fleurs cachées parmi le gazon? Vous pouvez marcher sur elle une fois, deux fois, trois fois, peut-être même une douzaine de fois, et les fleurs élastiques relèveront la tête et refleuriront après vos mauvais procédés. Mais foulez-les aux pieds un peu trop rudement, ils périront sous vos bottes, et jamais ne reprendront leur beauté ni ne reviendront à la vie. J'ai pensé quelquefois que l'amour est comme une fleur, et qu'il y a des femmes dont le pouvoir est une si douce chose qu'elles peuvent marcher impunément dessus une ou deux fois, mais pas trop souvent. J'avais cessé d'aimer ma femme et j'étais plus heureux depuis la mort de cette passion née sous une mauvaise étoile. Mon âme semblait avoir échappé à son esclavage. Je retournai à mes livres avec tout mon ancien goût. Les ombres imposantes revinrent me visiter. Je n'étais plus le piocheur hébété que j'avais été pendant que mon esprit était occupé par l'image de Caroline et ne travaillait qu'à contre-cœur. J'étais redevenu un enthousiaste et un rêveur, et les éditeurs pour lesquels je travaillais me complimentèrent sur le nouveau feu qu'ils apercevaient dans mes écrits. De jour en jour, j'avançais de quelques pas dans la voie littéraire. Le succès d'un certain genre m'arriva dans une honorable mesure. Le gain de mon travail depuis 6 mois s'était triplé, et je donnais à ma femme tout le bénéfice de l'amélioration de ma position. Mais que faire pour ces femmes de la famille des Sangsues? Elles crieront toujours « Donnez, donnez encore !» Si je menais Caroline au parterre de l'opéra, elle était malheureuse parce qu'elle n'était pas au stade. Si je la mettais au stade, elle se plaignait de l'injustice du sort qui permettait à d'autres femmes d'avoir une loge à l'année. Il est très difficile à un homme qui fait de grands efforts pour parvenir, d'être le mari d'une beauté adulée, qui s'imagine qu'elle aurait dû épouser un noble ayant 60 000 livres sterling de rente. J'essayais de faire mon devoir. Il y eut une espèce de tranquillité dans notre ménage, car Caroline avait découvert qu'il y avait un certain point où ses plaintes devaient cesser. Notre manière de vivre sous tous les rapports s'était améliorée de jour en jour depuis notre mariage. Nous avions maintenant 2 femmes expérimentées à notre service, au lieu d'une bonne à tout faire, qui avait été d'abord notre seule domestique. J'avais ajouté quelques petits objets de luxe à l'appartement modestement meublé de ma femme, et je payais libéralement un jardinier fleuriste pour que notre petit jardin fût bien entretenu. Il y a bien des jeunes femmes qui auraient pris plaisir dans un logis tel que le nôtre. Je pense à vous, Marcia, et je vous vois dans ce côté de champêtre, et je m'imagine que vous auriez été plus heureuse dans cet appartement sans prétention que dans un palais. Il y avait 1 an que nous étions mariés, lorsque la Providence nous fit le plus précieux cadeau que je pusse jamais recevoir du ciel. Acceptez votre amour, Marcia, acceptez votre amour. En revenant au logis, un soir, par un temps froid d'hiver, j'aperçus de la lumière aux croisées du premier étage, pendant que l'obscurité et la confusion régnaient au rez-de-chaussée, et l'on m'apprit que j'étais père d'un fils. Il y a des sujets dont le premier chagrin ne diminue jamais. Lorsque je pense à mon unique enfant, toute la douleur attachée à sa courte existence m'oppresse, et je sens l'amertume de mon premier grand chagrin, aussi profondément ce soir que je le sentis lorsque la blessure était encore fraîche. Le premier mois de l'existence de l'enfant, sa mère sembla disposée à se plaire et à s'amuser avec lui, et mon cœur attendri reprenait pour elle quelque chose de son ancienne tendresse, lorsque je la voyais assise avec son petit enfant dans les bras. J'aurais été heureux de pouvoir un peu me relâcher dans mes travaux, pour passer plus de temps avec ma femme et mon fils. Mais les extravagances de Caroline me forçaient de rester attaché au moulin. Et tout en travaillant autant que je le pouvais, je ne parvenais pas à ne pas faire de dettes. À ce moment, j'étais en âge d'entrer au barreau, mais mon premier dossier ne m'était pas encore arrivé, et c'était plutôt la littérature que l'étude des lois qui m'occupait journellement, dans mes mansardes du temple et très souvent fort tard dans la soirée quand j'étais rentré au cottage. Mon fils avait 2 mois, et déjà un faible sourire de reconnaissance commençait à poindre sur sa figure lorsque je le prenais dans mes bras. Caroline commençait à éprouver beaucoup d'ennui et de fatigue de ses nouveaux devoirs, et j'entendais ses anciennes plaintes sur le manque de société et le manque d'argent, lorsque survint un événement qui enchanta ma femme et ajouta beaucoup à mes dépenses. La sœur jumelle de Caroline, la femme du capitaine Fane, arriva de l'Inde avec sa petite fille et manifesta l'intention de descendre chez nous. Comme j'étais très heureux de donner à ma femme tous les plaisirs raisonnables, je me réunis à elle pour faire les préparatifs nécessaires pour recevoir Madame Fane. Et si j'avais pu travailler davantage que je l'avais fait la dernière année, je l'eusse fait. Une chambre fut gentiment meublée pour notre visiteuse attendue, et la facture de mon tapissier vint presque m'alarmer en me rappelant que je m'endettais beaucoup. Mais ma femme me promit qu'elle ferait des économies après le départ de sa sœur, et je me résignai à la dépense que devait me coûter son plaisir. Tout ce qui pouvait plaire à une femme d'une manière innocente était le plus ardent de mes souhaits, car la conscience que j'avais du changement de mon cœur me rendait plus empressé de remplir mes devoirs envers la femme que j'avais aimée autrefois avec tant de dévouement. En revenant un soir, je trouvai assise près du feu une dame dans le crépuscule naissant, une dame à laquelle je m'adressais comme à ma femme. Mais quelque chose dans ses manières, lorsqu'elle se leva et vint à moi, était très différent des habitudes de ma femme, qui rarement accueillait mon retour, par autre chose qu'un maussade mouvement d'épaule, et la remarque que je revenais plus tard qu'à l'ordinaire. Cela me fit comprendre tout de suite que cette dame était la visiteuse que j'attendais. La ressemblance qui existait entre les deux sœurs était extraordinaire, si extraordinaire qu'à l'obscurité du crépuscule, j'eus beaucoup de peine à croire que la femme qui était devant moi m'était inconnue. Je m'aperçus après que Madame Fane avait dans le teint quelque chose de pâle et de mat, qui rendait sa beauté moins éclatante que celle de sa sœur, qui était blanche et rose. Ce n'était pas la seule différence qu'il y eut entre les deux femmes, car je découvris bientôt que l'expression des deux figures était très différente. Caroline avait l'apparence d'une femme frivole et faible, Léonora celle d'un caractère ferme et résolu. Madame Fane avait mis sa petite-fille en pension à Brixton, et après être restée avec nous comme notre hôte pendant 6 semaines, elle persuada Caroline de la garder comme pensionnaire. Cet arrangement ne me plaisait point, car en premier lieu, l'orgueil d'un Pierpoint se révoltait à l'idée de recevoir un salaire pour le boire et le manger, comme l'orgueil d'un arabe se serait révolté contre le paiement du pain et du sel donné à un étranger. Et en second lieu, la présence de Madame Fane dans notre intérieur nous faisait faire des extravagances que la rétribution qu'elle nous aurait payée n'aurait en aucune manière contrebalancée. Mais je me soumis à ce qu'elle voulait, comme j'avais toujours fait, pour tous les désirs d'une femme que j'avais cessé d'aimer. Je savais que les deux femmes se querellaient souvent, mais en général elles paraissaient heureuses ensemble, et cela me faisait plaisir de penser que pendant que j'étais courbé sous mon pupitre au temple, ma femme n'était pas sans une compagne convenable. Pour moi, j'avais beaucoup de difficultés à surmonter l'aversion que j'éprouvais pour Léonora Fane. Je trouvais ses manières remplies d'art, son sourire faux, son rire creux, sa conversation stéréotypée et conventionnelle. Mais elle était scrupuleusement polie et pleine de déférence dans sa conduite envers moi, et la première impression que j'avais éprouvée s'évanouit dans nos relations journalières, au point que je commençais à penser qu'elle était réellement une très agréable femme, dont ma femme ferait bien d'imiter le caractère facile. Depuis l'arrivée de ma belle-sœur, je n'entendais plus de lamentations sur le manque de visiteurs dans notre petit ménage. Plusieurs des amis de Madame Fane venaient la voir, et chaque jour, je craignais que par ces personnes, la nouvelle de mon mariage n'arrivât à Pierpoint. En rentrant chez moi, j'entendais souvent parler des visites qu'on avait faites pendant la journée, et je remarquais promptement que, parmi les visiteurs, les hommes étaient en majorité. Cela me tourmentait, et un soir, en jouant par distraction avec le petit panier aux cartes de visite qui était sur la table de ma femme, je fus étonné en découvrant que la moitié des cartes qu'il contenait, et évidemment il y avait là l'accumulation de plusieurs semaines, ne portait qu'un nom, et ce nom était celui d'un gentleman, un avocat de Middle Temple, un certain M. Arthur Holroyd, dont jamais je n'avais entendu ou vu le nom dans aucune affaire, et que, par conséquent, je pensais être un avocat sans cause comme moi. J'appelai l'attention de ma femme sur le nombre de ses cartes, et je lui demandai comment il se faisait que ce M. Holroyd vint si souvent, et si elle pensait que le capitaine Fane approuverait qu'un homme fît de si fréquentes visites à sa femme. Caroline exprima une extrême indignation à cette suggestion. « C'était tout à fait absurde et déraisonnable, » dit-elle. Les visites de M. Holroyd à Léonora étaient les plus ordinaires du monde. En vérité, ajouta-t-elle, il vient la voir tout à fait comme si elle était sa sœur. « Dans ce cas, dis-je, il me reste toujours à objecter le nombre de visites qu'il a faites ces dernières semaines. Et je pense que, comme maintenant vous êtes sujette à recevoir le matin les visites des amis du capitaine Fane qui arrivent des Indes, il sera mieux pour moi de faire mon travail au logis et d'être ainsi à même d'assister à la réception de vos visiteurs. » Je pus m'apercevoir que cela déplaisait à ma femme, quoiqu'elle gardât le silence. De ce jour, je changeai l'arrangement de ma vie. Ma principale raison pour passer la plus grande partie de mon temps au temple avait été qu'y étant seul, je me trouvais parfaitement calme et tranquille. Je fis approprier une petite retraite située derrière le parloir pour me servir de cabinet. Je fis entendre à ma femme que je voulais que cette pièce fût respectée et consacrée à moi seul. Je travaillais dans cette retraite et j'en sortais de temps à autre lorsque les visiteurs de Madame Fane étaient dans le salon. Je trouvais ses amis convenables, principalement des anglo-indiens, et je ne mis aucune raison pour m'offenser de leur présence dans ma maison. Pendant plusieurs semaines, après ce changement dans ma manière de vivre, je n'entendis pas parler de M. Holroyd. Petit à petit, mes habitudes de logis devinrent la contrepartie de mes habitudes du temple. Je travaillais seul pendant tout le jour, aussi complètement isolé du monde dans mon cabinet derrière le parloir que dans mes chambres sous les toits. Et les visiteurs de Madame Fane purent aller et venir sans que je les aperçusse. Nous dînions très tard, pour satisfaire ma convenance, disait ma femme. Quelquefois Caroline et sa sœur étaient dehors toute la journée. D'autres fois je les entendais jouer du piano ou chanter ensemble dans le petit salon. Si par hasard j'y entrais pour les surprendre, je les trouvais qu'ils s'amusaient agréablement et innocemment. Si par hasard je questionnais ma femme sur la manière dont elle avait employé son temps pendant qu'elle était sortie, elle me répondait d'une manière satisfaisante. Mais un jour, entrant inopinément dans le salon, j'ai trouvé M. Holroyd installé et beaucoup plus à son aise que je ne pensais que le capitaine Fane eût aimé avoir aucun homme dans la société de sa femme. Il était debout près du piano, penché sur Léonora pendant qu'elle jouait. J'avais entendu les sons de l'instrument toute la matinée, et j'avais conclu d'après cela que ma femme et sa sœur étaient seules. Je crois qu'instinctivement je sus quel était cet homme avant qu'on me l'eût présenté. C'était un homme grand, de tournure élégante, d'à peu près 35 ans, ayant une figure longue et pâle, ni belle ni laide, mais une de ces figures qui portent les gens réfléchis à dire « C'est le visage d'un homme qui inévitablement doit faire une forte impression, d'une espèce ou d'une autre, dans le monde dans lequel il vit. » Ses manières étaient particulièrement douces et conciliantes, cette espèce de manière que les femmes appellent généralement fascinante. Et dans la petite conversation qui eut lieu après notre présentation, j'eus des raisons de penser qu'il était intelligent et instruit. Mais son esprit était d'un genre léger et tout à fait différent de celui que j'avais été habitué de voir à mon père. Lorsqu'il fut parti, je demandai à Madame Fane s'il avait jamais été dans l'Inde, et elle me dit que non. Il n'était pas une de ses connaissances de Calcutta, mais un ancien ami de son mari qu'elle avait connu avant son mariage. Elle le vanta beaucoup, mais avec un air de parfaite indifférence, et je conclus qu'après tout, le capitaine Fane n'avait aucune raison de mécontentement. Mais après cela, M. Holroyd vint très souvent, et rencontrant la servante dans le vestibule un jour immédiatement après qu'elle venait de l'introduire dans le salon, je lui demandai qui faisait visite. Cette fille eut quelque peine à se souvenir de son nom. « Monsieur Holroyd, balbutia-t-elle. « Monsieur... Oh mon Dieu, que je suis bête, c'est le monsieur qui vient presque tous les jours, monsieur. » Je fus très en colère quand j'entendis cela, et je fis des représentations à ma femme à ce sujet, la même après-midi. Mais elle reçut mes remontrances avec un air boudeur impénétrable, et je me décidai à prendre un parti décisif. Le lendemain matin, je me rendis au temple de bonne heure, et allai rendre visite au vieil ami de mon père, l'homme de loi célèbre. Il me reçut tendrement et sans lui dire que j'avais des raisons particulières pour lui adresser ses questions, je le priai de me dire s'il connaissait Arthur Holroyd et s'il avait entendu parler du peu de considération dont jouissait ce gentleman. La réponse du vieillard fut des plus décisives. « Si vous pensez qu'un scélérat consommé doit jouir de peu de considération, dit-il, j'en sais beaucoup trop sur le compte de M. Arthur Holroyd. Et si d'aucune manière vous êtes lié avec lui, tout ce que je puis vous dire, c'est de rompre toute relation aussitôt que vous le pourrez. » Après cela, il me dit que cet Arthur Holroyd appartenait à une bonne et ancienne famille, qu'il avait gaspillé toute une fortune par la ville, que d'abord, gentleman dupé, il avait fini par dégénérer en vrai grec, qu'il était faux, lâche et d'autant plus dangereux qu'il avait une langue dorée, que le plus léger rapport avec son nom était la mort de la réputation d'une femme, que quoi que ce soit ressemblant à de l'amitié pour lui était la ruine certaine d'un homme. Je retournai au logis après ces renseignements et je dis à ma femme et à sa sœur que je ne voulais plus recevoir M. Holroyd sous mon toit. Madame Fane, ajoutai-je, était sa maîtresse, et si elle persistait à vouloir le recevoir, elle pouvait se loger autre part. Mais s'il m'accordait le privilège de tout beau-frère, je lui recommanderais instamment de renoncer à cette connaissance. Léonora Fane écouta tout cela sans mauvaise humeur. Elle me dit en riant avec insouciance que M. Holroyd lui était parfaitement indifférent. Elle ajouta qu'elle avait certainement fait ses arrangements pour nous quitter dans le courant de la semaine suivante, mais que sa seule raison pour agir ainsi était le désir de faire changer d'air à sa petite fille et de l'amener dans quelque agréable ville d'eau où elle espérait que je laisserais aller ma femme. Je m'étais adressé principalement à Mme Fane, et le silence de Caroline ne me surprit en aucune manière. Il ne fut rien dit de plus au sujet de M. Holroyd, mais il y eut un peu de roideur dans mes relations avec ma belle-sœur après cela, et je fus très soulagé par son départ qui eut lieu quelques jours après. Une nouvelle source de tourment vint m'accabler à peu près vers ce moment. Ce fut le commencement de mon grand chagrin. Parmi toutes les désillusions de ma vie conjugale, mon petit garçon avait été la seule douce réalité, la seule joie pure et profonde, et je l'aimais avec une tendresse passionnée qu'un enfant fait naître rarement dans le cœur d'un père. Ma femme avait pendant quelque temps semblé ressentir une espèce d'affection capricieuse pour ce cher petit, qui devenait de plus en plus faible à mesure qu'il avançait dans la vie. Par instants, elle l'étouffait à moitié par ses caresses. D'autres fois, elle oubliait jusqu'à son existence. Ces inégalités, au reste, sont fréquentes chez les personnes du caractère de Caroline. Mais quand la santé de l'enfant devint de semaine en semaine plus délicate et plus faible, l'amour de sa mère se changea en une impatience maussade qui entoura d'importunité et d'agitation cette pauvre petite existence qui aurait besoin d'être surveillée et protégée aussi soigneusement que la flamme d'une bougie vacillant dans un courant d'air. Quelques jours après le départ de Mme Fane, mon enfant fut plus mal qu'il n'avait encore été. Je ne veux pas entrer dans les détails de ces maladies enfantines. Quoique le ciel sache que jamais médecin ni garde n'ont surveillé les progrès de plus près que je ne l'ai fait. Le docteur que je consultais me dit que la santé de l'enfant dépendait beaucoup de celle de sa mère, et me demanda si l'esprit de ma femme n'avait pas été troublé ces derniers temps. Il lui fit la même question et me dit que ses manières l'avaient porté à croire qu'elle avait éprouvé quelques agitations morales, mais qu'elle avait paru très offensée de cette supposition. Après cette entrevue, j'essayai d'éveiller chez ma femme la conscience du danger de son enfant. Je parlai à une pierre, avec une angoisse plus cruelle que toutes celles que m'avait fait souffrir cette femme. Je découvris que le sort de mon enfant lui était tout à fait indifférent. Je le voyais, et cependant, le moment d'après, je croyais que son indifférence était affectée, une simple bravade pour essayer de me tourmenter. Je me figurais cela, car quoique je susse que la femme que j'avais épousée était une femme peu aimante, je ne pouvais croire qu'elle fût une mère dénaturée. Je fis alors mon premier et dernier appel aux meilleurs sentiments de cette créature. Je la suppliai de remplir les plus doux devoirs de la femme. J'étais disposé à attribuer une grande partie de sa conduite à sa mauvaise éducation. J'étais prêt à admettre qu'elle avait droit à une existence plus brillante que celle que je pouvais lui donner pour le moment. Et alors, je lui parlai de mon avenir. Je lui fis voir les voies de fortune qui m'étaient ouvertes de tous les côtés. Je lui rapportai les promesses qui m'avaient été faites par des hommes qui tenaient richesse et renommée dans leurs mains. Je lui dis que si elle était bonne mère, ma plus chère espérance serait d'obtenir l'affection qu'elle ne m'avait jamais donnée, et de l'aimer comme je l'avais aimée dans les premiers temps. Je lui dis tout cela, et la suppliai de croire que j'aurais le courage de lui conquérir la position à laquelle elle aspirait, les plaisirs et les grandeurs qu'elle avait droit d'attendre. Je fus assez faible pour croire en vérité que je lui avais nui en quelque sorte, en lui enlevant la chance de faire un meilleur mariage. « Sauvez seulement mon fils, lui dis-je en la suppliant, et ayez de la patience. » « Oui, s'écria-t-elle avec mépris, et je suppose que c'est lorsque je serai une vieille femme que vous me donnerez une maison de Russell Square et une lourde et grande voiture qui ressemblera à un baquet quand elle sera ouverte, et à une voiture de deuil lorsqu'elle sera fermée. J'ai connu de pauvres créatures qui ont épousé des hommes qui devaient parvenir, et qui ont commencé à jouir de la vie juste au moment où des femmes sensées auraient dû penser à mourir. » Cette conversation eut lieu pendant que mon petit garçon était très malade. Après cet entretien, sa mère fit quelques petits semblants de s'occuper de lui et de le soigner. Mais je m'aperçus que son esprit était distrait. et je m'efforçais vainement de découvrir la cause de sa distraction. Envers moi, ses manières étaient plus froidement insolentes qu'elles n'avaient encore jamais été. Il y avait quelque chose dans son ton qui me rappelait péniblement celui d'une domestique que Caroline avait renvoyée. Si mon cœur et mon esprit n'avaient pas été si absorbés par mon affection et mes inquiétudes pour mon fils, j'aurais peut-être découvert le nœud de la conduite de ma femme, et cependant, je doute que tout libre d'esprit que j'aurais pu être, j'eusse été capable de comprendre une femme qui était si différente de la mère dont les soins avaient entouré mon enfance et près de laquelle j'avais passé mes jeunes années. Je savais que ma femme était faible, égoïste, colère et vaine, mais je ne soupçonnais pas qu'il y eut quelque trahison qui épiait dans l'ombre cachée sous ses vices non voilés. Mon fils allait un peu mieux et je commençais à espérer. J'avais négligé mes affaires pendant la maladie de l'enfant, car le cher petit être me connaissait, il me souriait, et je m'imaginais qu'il était heureux lorsque j'étais assis auprès de son lit. Mais un long jour d'été, j'étais resté assis avec lui, depuis midi jusqu'au coucher du soleil, ayant mes livres sur une table à ma portée, mais infiniment plus occupé par la présence de l'enfant que par eux. Ce jour-là, Caroline l'avait gardé avec moi. Il était assis au pied de son petit lit, ayant une figure pâle et hagarde, sur laquelle je pouvais voir les traces de l'inquiétude. Mon cœur s'adoucit pour elle en voyant son air altéré. Elle aime l'enfant, après tout, pensais-je. Et son indifférence affectée a été le résultat de son mauvais caractère. Je m'approchai d'elle et j'essayai de lui prendre la main, mais elle me repoussa vivement et garda un silence boudeur toute la journée. Le soleil était couché, alors elle se jeta par terre avec une énergie soudaine, presque terrible, et commença à se frapper la tête avec ses poings. « Oh, quel indigne misérable je suis » criait-elle, « que je suis mauvaise, méchante et perverse !» Je m'agenouillai près d'elle, je la soulevai dans mes bras, mais j'employai inutilement toute la force qui, depuis, m'a servi dans une lutte corps à corps avec un sanglier. Tout son corps était ébranlé par la violence de son emportement, mais elle redevint plus calme, et lorsque j'essayais de raisonner avec elle et de découvrir la cause de son agitation, elle retombait dans le silence boudeur qui lui était si ordinaire et, soit par prière, soit par menace, je ne pus tirer un mot de ses lèvres. Peu de temps après, elle s'adoucit un peu et s'assit avec son enfant dans les bras, pleurant sur lui. Puis, lorsqu'il fit tout à fait sombre, elle l'embrassa, le posa endormi tout doucement sur les bras de sa bonne et quitta la nurserie. Après cela, je descendis l'escalier pour me rendre dans ma retraite, j'allumai ma lampe et me mis à travailler. Mes travaux littéraires étaient arriérés, et ce n'était qu'en travaillant toute la nuit que je pouvais tenir mes engagements. J'écrivis d'abord à la lumière, puis au jour, jusqu'à ce que la pendule de ma cheminée sonne à 7 heures. Alors je me jetai sur un sofa, et au chaud soleil d'été, je tombai dans un profond sommeil. Lorsque je m'éveillai, l'après-midi était avancé et j'entendis les cris des colporteurs et le bruit des roues dans le lointain. J'allai dans notre salon commun. Sur la table, un couvert était mis pour le déjeuner et rien n'avait été touché. J'ouvris la porte et appelai ma femme par son nom. La femme de chambre entra pour répondre à mon appel. « Ma maîtresse est partie hier soir, monsieur, » dit-elle. Et je ne pense pas qu'elle revienne de quelques jours. Je crois qu'elle est allée chez Madame Fane. Mais il y a un billet derrière l'un des vases de la cheminée. Je retournai au salon et trouvai la lettre de ma femme. Devinai-je ce qui était arrivé avant de briser le cachet? Je le sais à peine. Tout ce qui se rapporte à cet affreux moment est obscur et confus lorsque j'essaye de me le rappeler. Cette lettre ne contenait que quelques lignes, mais elle me disait que ma femme m'avait quitté pour toujours, pour s'enfuir avec l'amant de sa jeunesse. Avant la fin du jour, j'étais sur la route de Lyme Regis, où Madame Fane et sa petite-fille séjournaient. J'y trouvais ma belle-sœur. Quoique je me doutasse alors instinctivement ce que je sais maintenant, qu'elle avait connaissance de la conduite de ma femme, je ne pus lui arracher un mot. Après mon inutile entrevue avec cette femme, je me mis à la poursuite de l'épouse qui m'avait trahi. Je parcourus l'Angleterre et la partie du continent qu'il a peu recherché par les voyageurs anglais, mais ce fut en vain. Je revins en Angleterre, tout à fait dégoûté par ces voyages inutiles, et j'appris que mon délicat petit garçon avait langui et dépéri depuis l'heure où sa mère l'avait abandonné, et qu'il était mort une semaine après sa fuite. En arrivant, je trouvai une lettre qui m'attendait. Une lettre timbrée d'Amérique, dont l'adresse avait été mise par une main masculine. La lettre elle-même était de ma femme. Et sûrement, jamais avant ou depuis, la main d'une femme ne traça aussi froidement et de propos délibérés l'aveu de la faute d'une femme. En lisant ces lignes étudiées, si hideuses dans leur effronterie, si révoltantes dans leur candeur affectée, je m'aperçus que je tenais une épître dans laquelle le cerveau de ma femme m'avait eu peu de part, quoique ce fût elle qui l'eût écrite. Je reconnus la composition soigneusement élaborée par un scélérat intelligent et perfide, sous la pression duquel Caroline Pierpoint n'était que le plus misérable automate, obéissant au fils d'un habile homme. Tombant à genoux, tenant cette vile lettre fortement serrée dans ma main baissée, je jurai d'infliger un châtiment à l'homme qui l'avait dicté. Qui était-il? Comment avait-il correspondu avec ma faible et mauvaise femme depuis son mariage? Je n'en avais nulle idée encore, mais ma mémoire me servit en voyant son écriture, et je me souvins que c'était la même main qui avait écrit l'adresse du petit paquet de lettres que j'avais brûlé sans les lire. Une idée soudaine m'illumina le même soir de mon triste retour, tandis que j'étais assis méditant sur l'infâme lettre de ma femme. Je me rendis le lendemain matin de bonne heure au temple chez l'ami de mon père. Je m'informai encore auprès de lui d'Arthur Holroyd, et j'appris qu'il avait quitté l'Angleterre depuis quelques semaines, profondément endetté et obligé de fuir devant la probabilité d'un emprisonnement. Depuis, il avait été condamné par contumace. En suivant cet indice, je finis par découvrir qu'il était hors de doute que l'homme qui s'était embarqué avec ma femme pour l'Amérique était Arthur Holroyd. Je m'assurai du nom du vaisseau qui les avait emportés, du port où ils avaient dû débarquer. Ayant découvert tout cela, ma conduite m'était tracée, et pendant 2 années fatigantes et inutiles, ma vie fut une longue poursuite de l'homme qui m'avait outragé. Je suivis cet homme et sa misérable compagne, de ville en ville et d'état en état, guidé quelquefois par des renseignements positifs, d'autres fois errant paresseusement dans le vague espoir d'être aidé par le hasard. Voyageant ainsi, ayant sans cesse le même but dans l'esprit, je visitais chaque ville des États-Unis et me dirigeais vers l'Amérique espagnole. Je savais qu'Arthur Holroyd avait pris passage pour New York sous un nom supposé et que les personnes que je cherchais se faisaient appeler Monsieur et Madame Howell. J'entendis parler d'eux pour la dernière fois à Buenos Aires. Et quoique je n'eusse aucun renseignement précis sur ce point, je conclus qu'ils avaient quitté ce pays pour retourner en Europe. Je ne pouvais former aucune conjecture ni sur le vaisseau qu'ils avaient pris, ni d'où ils étaient partis, et je revins en Angleterre, sans espérer aucune heureuse issue à mes longues poursuites. Je pense que l'époque d'un duel était entièrement passée, même alors. Marcia, et que si j'avais rencontré cet homme face à face, il n'y aurait eu qu'une courte bataille de mots, et qu'une bonne aubaine pour nos solliciteurs. Et cependant, en revenant à ce que j'éprouvais en ces jours, je supportais me demander si nous aurions pu nous rencontrer, sans qu'il en résultât quelque malheur plus grand. Je n'ai jamais pensé à cela pendant que je cherchais mon ennemi. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de le trouver. Je revins en Angleterre. J'avais tenu une espèce de correspondance agitée avec mes parents et les chers vieux amis de mon pays pendant mes malheureux voyages. Mais mon père et ma mère croyaient que je voyageais pour mon plaisir. J'étais obligé de remplir mes lettres de longues descriptions de villes dont je n'avais aperçu les monuments et les rues que comme dans un rêve. Il y avait des moments où je n'étais pas capable de le faire. Il y avait des moments où un morne désespoir s'emparait de mon âme, où j'étais stupidement indifférent au passé et incapable de me souvenir de rien et de rien comprendre, si ce n'était le présent. C'est ainsi que ma correspondance avec les miens était devenue tout à fait irrégulière. Et lorsque je quittais ces immenses terres auprès desquelles ma chère île ne paraissait qu'un point de l'univers, il y avait 6 mois que je n'avais reçu de nouvelles de ma famille. 2 lettres entourées de noir m'étaient parvenues pendant mon absence d'Angleterre. L'une m'annonçant la mort de mon oncle Weldon à Madère, l'autre la mort de son fils aîné à Wentnor. Ces 2 événements étaient arrivés presque simultanément. Je sentis une courte douleur de chagrin et de regret lorsque je reçus ces tristes nouvelles. Avais-je le temps de me chagriner? La pensée qu'il n'y avait qu'une fragile existence entre mon père, dévorant ses livres et la propriété de Pierpoint, ne m'était jamais entré dans l'esprit. Je ne sais si j'aurais songé dans d'autres circonstances, mais dans celle où je me trouvais, je ne le fis point. je retournai en Angleterre. Mon vieil ami du temple ne put me donner aucune information sur Arthur Holroyd, excepté qu'il n'avait pas entendu parler de lui à Londres depuis mon départ, et que même ses créanciers n'avaient cessé de s'inquiéter de lui et d'en parler. Je courus à Pierpoint et trouvai ma mère assise sous les pommiers en fleurs dans notre cher vieux jardin. Au premier moment, elle fut effrayée par l'aspect d'un être décharné et barbu qui lui tendait les bras, mais l'instant d'après, elle sanglotait sur mon sein. Je m'arrêtai à Pierpoint une semaine, mais pendant tout mon séjour, je me faisais en moi-même l'effet d'une créature qui reviendrait du tombeau et qui ne prendrait aucune part aux joies et aux chagrins des vivants. Mon amour pour ma mère n'était pas affaibli par notre séparation, mais la malheureuse histoire de mon mariage renfermé dans mon sein et la conscience d'avoir le poids de ce secret sur l'esprit m'oppressaient comme un fardeau matériel. Je vis mon cousin, le jeune seigneur de Pierpoint, et la conversation de ce jeune homme sur son grand avenir et sur la nouvelle gloire qu'il allait acquérir pour notre nom par ses succès comme homme d'État me blessa aussi amèrement que si chacune de ses paroles eût été choisie pour mon tourment spécial. Il n'y avait aucun ancien plaisir, aucun tendre souvenir dans ce logis familier qui ne se transformasse en une arme pour me blesser et me punir. Je laissai mon mièvre cousin couché sur un sofa dans la grande embrasure de la fenêtre de la façade, avec une pile de livres bleus près de lui, animé d'un enthousiasme fiévreux et d'un bonheur inexprimable, en contemplant un avenir qui ne devait jamais arriver. Je quittai ma mère sarclant ses plates-bandes, en robe de cotonnade, au-dessus des fenêtres du cabinet de mon père, de manière à ce qu'il pût l'appeler au besoin, innocemment heureuse de l'existence la plus simple et la plus pure qu'une femme puisse mener, et je quittai Pierpoint, bien résolu à n'y jamais revenir. Qu'avais-je à faire, moi et mon déshonneur, dans un endroit où, pendant des siècles, mon nom avait été le symbole de la splendeur et de l'orgueil terrestre? Je retournai à Londres. J'abandonnai tout espoir de trouver Arthur Holroyd. Peut-être ma soif de vengeance et de réparation s'était-elle amoindrie, car tôt ou tard, toutes les passions s'affaiblissent par la fatigue du corps et celle de l'agitation de l'esprit. Je repris possession de mes anciennes chambres, plus pauvre que lorsque j'étais entré pour la première fois et profondément endetté, car j'avais escompté plusieurs années de mon travail littéraire pour pouvoir me procurer les fonds dont j'avais eu besoin pour mes voyages. Je repris mon ancien travail dans mon ancien logement, et la seule différence qui exista dans ma vie et en moi était que j'étais presque un vieillard, au lieu d'être un jeune homme. Il y a des gens heureux qui comptent leur existence par année. Les annales de la mienne n'étaient que l'histoire de mes misères et de ma honte. Je m'étais réinstallé dans mes vieilles mansardes depuis 6 ou 8 mois, lorsque je reçus une lettre de mon père m'annonçant la nouvelle de la mort de mon cousin. Je l'avais vu et j'avais remarqué la rougeur fatale sur sa figure, la flamme de la mort dans ses 12 yeux bleus. Mais je n'avais jamais entrevu les chances de l'avenir. Comment aurais-je désiré la richesse, depuis que le travail sans relâche qui était nécessaire à mon existence était la principale jouissance de ma vie? Penché sur mon pupitre, j'oubliais quel homme malheureux et flétri j'étais. Emporté par cette baguette magique, la plume, j'entrais dans les hautes régions où Caroline Caffron et sa perversité n'avaient pas de place. À la réception de la lettre de mon père, je sentis l'amertume de ma position, plus profondément que je ne l'avais encore fait, car il me disait que mon cousin m'avait laissé sa fortune particulière, et que son dernier et plus cher souhait, exprimé quelques heures avant sa mort, avait été que je me présentasse comme candidat pour le North Riding, pour entrer dans la chambre, représenter les Pierpoint et être l'avocat des principes qui lui avaient été si chers. La propriété dont mon père hérita, après que le dernier des Weldon Pierpoint eût été descendu dans le caveau de sa famille, était une des plus belles du district de North Riding. La fortune que mon cousin m'avait laissée était plus que suffisante pour tout homme ayant des goûts modérés. Je devais retourner à Pierpoint pour rester près de mon père et mener à bien le dernier désir de mon parent. J'étais maintenant assez riche pour obtenir le divorce, même à cette époque où il était si coûteux de se débarrasser d'une femme infidèle. Mais je ne pouvais me décider à divulguer mon honteux secret à la lumière du jour. Je ne pouvais pas laisser disséquer mon cœur saignant dans des cours de justice. Je ne pouvais pas abaisser le nom des Pierpoint et passer par les voies infectes qui pouvaient seules me donner la liberté. Je devais retourner à mon ancienne demeure la tête haute, Aurais-je pu le faire si tous les paysans du village avaient pu me montrer au doigt en disant « Voilà celui qui vient de divorcer avec sa femme qui l'a abandonnée, et la part que mon père prendrait à mon déshonneur et le chagrin de ma mère, aurais-je pu les supporter ?» Non. Je connaissais tout le poids de mon présent fardeau. Il n'accablait que moi seul. Je le savais, et je me décidai à le supporter patiemment jusqu'à la fin. La pensée que je pouvais me faire séparer de ma femme sans une autre raison que c'était une chose honteuse d'être allié à elle, ne m'était jamais entrée dans l'esprit. L'avenir que je voyais devant moi me faisait l'effet d'une plaine plate sans soleil sur laquelle je devais marcher continuellement jusqu'à ma mort. Je restai à Londres quelques semaines après mon changement de fortune, toujours le même, et gardant mes anciennes habitudes. Je payais mes dettes et je me préparais pour un prochain départ, pour un de ces voyages qui avaient employé tant d'années de ma vie. Je ne dis rien à mon père ni à ma mère de mon exil projeté, car je n'avais aucune raison à leur donner pour les résolutions que j'allais prendre. Et je me décidai à ne leur écrire que lorsque je partirais pour l'Afrique. Tandis que j'étais occupé à mes préparatifs pour une longue et peut-être dangereuse expédition, je reçus deux visites, l'une de Harold Cathron, qui me dit qu'il était revenu du continent juste à point pour apprendre ma bonne chance, et qui me raconta alors une plausible histoire sur ses vertus paternelles et sur la manière dont sa fille s'était comportée envers lui. Il ne pouvait rien me dire sur le lieu où se trouvait Caroline, et il avait été encore plus cruellement abandonné par sa sœur Léonora, qui était veuve maintenant et n'avait qu'un petit revenu. Le but de sa visite était de me demander de l'argent. Je lui en donnai, et il fut mon pensionnaire jusqu'à la mort. Je ne pense point que je doive m'en vanter. Je le payais pour qu'il gardât mon secret et qu'il tînt sa langue lorsqu'on prononcerait le nom de Pierrepoint devant lui. Quelques jours après la visite de mon beau-père, je reçus celle de Madame Fane. Pendant 2 minutes après qu'elle fut entrée dans la pièce, je crus que c'était ma femme qui était devant moi, et ce fut seulement lorsque je regardai la carte qu'on m'avait remise que je sus qu'elle était ma visiteuse. Elle aussi avait entendu parler de la fortune qui m'était arrivée et venait me faire une demande au nom de sa sœur. Je l'écoutais patiemment, même lorsqu'elle dit des phrases telles que celle-ci, le remords de l'épouvantable passé, le plus profond repentir que jamais femme ait ressenti, la folle méprise d'une imagination mal dirigée. Je la laissai dire toutes ces choses. Je fus patient même lorsqu'elle parla du mille mots de pardon, quoique je susse parfaitement ce que dans son esprit le pardon voulait dire. Pardonner. J'espérais qu'elle pourrait me donner quelques renseignements sur Arthur Holroyd, mais elle ne savait rien, excepté que lui et sa sœur s'étaient embarqués pour Buenos Aires, et que la femme qui avait été la mienne s'était trouvée sans le sou et sans amis dans une ville étrangère et avait été heureuse de revenir en Angleterre comme femme de chambre d'une passagère retournant dans son pays. Madame Fane essayait de me faire croire que la séparation entre les deux amants avait été un acte volontaire de la part de sa sœur. Je ne contestais pas le fait. Je répondis à la demande de Madame Fane en lui disant que je consentais à faire une rente à ma femme, qui lui permettrait de vivre dans l'aisance et d'une manière honorable, à la condition qu'elle abandonnerait pour toujours le nom de Pierrepoint, qu'elle ne s'en prévaudrait pas près des relations de la famille et qu'elle promettait de rester à l'étranger où son nom et son histoire seraient totalement inconnus. J'expliquai à ma belle-sœur que j'aurais pu très facilement obtenir le divorce si j'avais pu supporter le scandale qu'entraîne toujours un recours aux tribunaux, mais que je ne l'avais pas voulu. Je lui dis que la rente que j'assurais à sa sœur serait de 750 livres sterling, la moitié de mon revenu personnel, et que si jamais j'arrivais à une plus grande fortune, je doublerais cette rente, toujours en supposant que Caroline Pierrepoint menât une vie honorable et gardât le secret de ses liens avec moi. Ces conditions furent très promptement acceptées par Madame Fane au nom de sa sœur, et en peu de jours, la chose fut tout à fait conclue. Je mis cette affaire dans les mains d'un avoué qui avait ma confiance et qui ne connaissait pas le nom réel de Madame Howell, à laquelle il envoya le quart de sa pension en une lettre de crédit sur un banquier étranger. Madame Fane et sa sœur partirent pour le continent aussitôt que les arrangements furent finis, et je me rendis à Marseille, première étape de mon expédition d'Afrique. De ce jour à la soirée où je franchis le seuil de l'ermitage de Scarsdale, L'histoire de ma vie a été celle d'un voyageur solitaire dans des contrées désolées et dangereuses. Il y a peu de lieux, au-delà de la portée des voyageurs ordinaires, qu'il me soit familier. Il y a peu de latitude où je ne me sois étendu pour me reposer avec mon fusil posé près de moi, et ma vie dépendant en quelque sorte de la ponctualité avec laquelle j'ajustais, de mon réduit solitaire, les bêtes sauvages et les reptiles qui venaient me surprendre. Pendant 15 ans, j'errais sur la surface de la terre. Des lettres de mon pays me parvenaient de temps à autre. Les miennes apportaient au logis, où mon absence était un si grand chagrin, le récit de mes aventures. Je remercie Dieu, même maintenant, que ni mon père ni ma mère n'aient jamais connu la cause de ma vie errante. Ils s'imaginaient que j'étais possédé de la manie des voyages périlleux. Ils ont vécu et sont morts dans l'espérance que je reviendrai à la fin m'établir dans l'orthodoxe Pierrepoint. La mort de mon père me rendit l'un des hommes les plus riches du North Riding, et le courrier qui m'apporta la nouvelle de sa perte m'apporta aussi une lettre de Madame Fane réclamant, au nom de sa sœur, l'augmentation de la rente que j'avais promise lorsque j'hériterais de Pierrepoint. Dans le cours de mon exil, j'avais rencontré un homme qui avait connu Léonora Fane au Bengale, et il m'apprit quelle vile et perfide créature j'avais reçue à mon foyer quand j'avais accueilli la sœur de ma femme. J'appris aussi par lui que le colonel Fane, infiniment plus sage que moi, avait porté l'histoire de sa mauvaise conduite à la Chambre des communes et s'était fait séparer de cette méchante femme. Après cela, je pensais avec plus de compassion à la femme qui avait été la mienne, et je fus porté à croire qu'elle avait été plutôt la victime d'une mauvaise conseillère que la pécheresse audacieuse que je m'étais imaginée autrefois. Ayez pitié de moi, Marcia, si vous pouvez. Je vous ai dit toute l'histoire de ma vie, mais l'histoire de mon esprit et de mon cœur serait trop longue et trop triste à dire. Jusqu'à ce que je vous eusse vu, je portais mon fardeau patiemment. Depuis lors, non, je n'ai pas le droit de parler de moi depuis ce moment. Je vais reprendre mon ancienne existence. La nature, cette vieille consolatrice, me reprendra dans ses bras de géant. Je ne vous demande pas de m'oublier. Je vous supplie seulement de me pardonner et de songer qu'il n'y a pas une seule heure du jour et de la nuit où vous n'occupiez la pensée d'un homme dont le cœur désolé fait constamment des prières pour vous.